Donc bienvenue dans cette première, c'est pour un débat sur le Discord de la caserne de Teupa avec pas mal d'intervenants, donc tous plus anonymes ou plus connus que les uns que les autres, pour un débat sur l'antiracisme. Donc je vais laisser la parole à l'asso qui va nous poser les termes du débat pour ouvrir cette discussion tous ensemble. Merci. Merci de pas. Moi, je à mon tour, je souhaite la bienvenue. Merci d'être venu. Donc voilà, juste une ou deux minutes d'introduction sur le fonctionnement et le sujet en lui-même. Donc déjà d'entrée, je vous invite à bien prendre connaissance des règles affichées sur le serveur. Je ne vous rappelle pas la loi qui a déjà été rappelée par Topa. Donc pour ce soir, pour faire simple, on va essayer de respecter au maximum la bienséance, la courtoisie, hein, ce qui fait que la pratique du débat civilisé est si singulière en France. Donc on a des modérateurs de toute façon qui se chargeront de la bonne tenue du débat. On parle chacun notre tour et sans s'interrompre. Ça a déjà été rappelé, donc c'est très important. Le staff de la modération prend tout ça très, très au sérieux. Donc je préviens aussi et je précise aux nouveaux comme aux anciens que vous entendrez certainement des choses qui vous feront bondir ou qui vous feront chier. Mais bon, voilà, c'est la marque des gens intelligents aussi de faire preuve de patience et d'abnégation même face à l'adversité. Donc gardez votre sang-froid dans la mesure du possible. Vous pouvez faire avancer vos idées sans être agressif ou autre, c'est beaucoup plus efficace d'ailleurs. Et puis si ça vous convient pas, voilà, nous on cherche à avoir le climat le plus paisible possible, et donc les modérateurs font leur boulot si ça vous convient pas. Vous irez aux travaux forcés, voilà, vous like. Donc voilà, dans le calme. Bah, écoutez, moi, pour lancer le débat, en fait, j'avais rappelé en fait un certain nombre d'arguments pro et contre de l'antiracisme. Le thème du débat, c'est évidemment c'est l'antiracisme. Donc c'est très général. Il y a un certain nombre d'arguments pour, un certain nombre d'arguments contre. Mais en fait, avant toute chose, pour faire un petit tour de table, je pense qu'il y a une question essentielle à poser, c'est selon vous, et là on va faire un tour de table, selon vous, chacun votre tour, est-ce que la race existe? Est-ce que le concept de race, c'est quelque chose qui existe? Ou est-ce que c'est juste une construction moderne ou peut-être plus ancienne, peu importe. Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Donc, à chacun votre tour, le suivant, juste après moi, si tu veux bien prendre la parole. Je crois que c'est moi. C'est Aboros. Ah. Amoureuse. Amoureuse. Bon, amoureuse, muet. Bon, on saute. Bon, ensuite, concombre masqué. Alors, allez, on saute tout de suite. Concombre masqué, t'en penses quoi? Ok, bah bonsoir. Bah écoute, moi je pense. Ah, tu m'entends? Tu m'entends? Ah oui, t'entends parfaitement, vas-y. Je disais, ouais, je pense que oui, il y a bel et bien des races. Hein. Écoute, faut pas le nier. Hein. Ça, c'est typique de la mentalité antiraciste de dire qu'il n'y a pas de race et voilà quoi. D'accord, donc tu te prononces sur l'existence de la race sans plus. D'accord, le suivant. Oui, moi je pense qu'on voit bien qu'il y a des races différentes. Donc ça, c'est Moi, je dirais que mon ancien côté gauchiste me dit l'inverse. Vous distribuez la parole ou... D'accord, on va continuer. Fleurette? Ouais, bonsoir tout le monde. Bah, effectivement, je pense qu'on pourra toujours trouver une définition scientifique du mot race. Donc, dire que ça n'existe pas, c'est un peu dire que la Terre est plate ou qu'il n'y a pas de gravité, quoi. Ça, non, je m'y risquerai pas. D'accord, merci. Flore? Flore, une fois, deux fois. D'accord. FR, non plus. FTP? Alors, j'interviendrai plus tard, je suis en train de, voilà, Merci. de valider les gens. Merci. Le teasing. Gavroche. Alors, selon moi, il y a une confusion entre le langage, la politique et la science. C'est-à-dire qu'on a le mot race, mais on ne sait pas vraiment ce que ça définit. Mais j'ai l'impression que le mot race, tel qu'il est donné aux animaux, n'est pas vraiment similaire à celui que l'on peut donner aux humains, mais que d'un autre côté, il n'existe aucun autre mot pour définir vraiment ces différences, à part des mots vastes comme ethnie ou couleur de peau, mais c'est pas vraiment ça. Alors selon moi, voilà, ça cloche un peu là-dedans. Merci. Arlan Robotics, Fadez et quel ombre d'aile. Donc moi je pense que c'est même la question est complètement absurde. Dès l'instant que la race est un concept et qu'il a été clairement défini, bah forcément il existe. Et on peut pas nier un concept, c'est ridicule. On peut nier l'existence d'une chaise, l'existence d'un mobilier physique, dans un contexte, d'un concept. D'accord, d'accord, c'est ton point de vue, on y reviendra. Climat. Bonsoir à tous. Donc moi, je prends la définition du racisme, qui est donc une idéologie partant du postulat de l'existence des races au sein de l'espèce humaine. Je crois qu'il y a une espèce humaine, donc il y a des sous-bassements, donc des races humaines. Et par contre, au sujet de l'antiracisme, je pense que c'est un faux débat qui nous écarte de combats qui sont plus prioritaires, comme par exemple la lutte des classes. Voilà. Bah, merci pour ton point de vue. On a Comrade avec nous. Est-ce que tu as entendu la question? Je ne sais pas si tu nous entends, si tu es prêt, on va peut-être y revenir. Cookies, tu veux t'exprimer? Oui, en fait, peut-être que la race est une vulgarisation ou une approximation en termes scientifiques, mais on est obligé d'utiliser parce que c'est en face, on nous parle d'antiracisme. Donc c'est un terme qui est inévitable dans la discussion. Si tu veux pas partir... dans des termes scientifiques un peu lourds, on utilise le mot race, mais on peut dire ethnie, on peut dire plein de choses. L'important, c'est de bien comprendre de quoi on parle, hein, de différents peuples qui habitent sur cette planète, quoi, et comment les distinguer les uns des autres. Et vu que le système nous oppose anti-racisme, bah, nous, on veut parler de race, quoi. Mais s'il faut utiliser un autre mot, utiliser un autre mot. L'important est bien de comprendre qu'il faut préserver le substrat génétique européen. Merci, bien entendu. Comrade, je crois que ton micro s'est activé. Galère, vous m'entendez? On t'entend. Écoutez, j'ai pas vraiment entendu la question, en fait. Alors, la question, c'était si, selon toi, tu reconnais en fait l'existence du concept de la race, peut-être pas en tant que concept, en tant que quelque chose de naturel ou d'inné, enfin peu importe. Est-ce que, selon toi, les races existent? C'est ça la question. Tout dépend si on parle en termes biologiques ou pas. C'est-à-dire que personnellement, je pense que je suis comme la majorité d'entre vous. Je ne suis pas un scientifique, je n'ai pas bossé là-dessus. Et je ne saurais pas dire s'il y a la même différence entre un Éthiopien et un Coréen, si tu veux, contre un Labrador et un Teckel. Ça, je pense que ça relève de la biologie et ce n'est pas vraiment la question. On est des humains et le sens des mots, c'est plutôt le sens qu'on leur donne et la signification qu'on leur donne plutôt que la vérité biologique. Ce que je veux dire, c'est que nous, on est en train de se poser cette question, je pense, parce qu'on a tous en tête une espèce de dangerosité dans l'utilisation de ce mot « race », alors qu'il y a des choses parfois bien intentionnées qu'on a envie de dire au travers de ce mot. Je voudrais juste dire qu'on a des gens qui sont totalement décomplexés dans l'utilisation du mot « race ». On vient de citer Ouria Poutadja, un sujet qui n'a vraiment aucune prudence de ballerine, si vous voulez, pour utiliser ce mot. Donc, je pense personnellement qu'il faudrait trouver un moyen de parler de ça, puisque ça taraude les gens, dans la mesure où on a tellement peur de ce mot qu'on a réussi à le supprimer, si je me rappelle bien, à essayer de supprimer la Constitution. Mais il faut quand même garder à l'esprit que si on supprime le mot race, on ne supprimera pas le sentiment raciste, quel que soit le sens qu'on donne à ce mot-là. Merci. Bah, c'est l'occasion aussi pour vous tous et vous toutes de donner aussi un peu votre définition de la race, du concept de race, en tout cas, n'hésitez pas. Là où je crois que c'était suivant. Juste une chose, je peux vous demander juste un instant. Vas-y, camarade. Quelqu'un qui écoute la radio derrière, en fait. Toi-même, tu as quelqu'un qui écoute la radio? Discord, je pense que vous aussi. Non, nous, on entend pas. Non, on n'entend pas. Mais ça va. Bah, écoutez, j'ai rien dit, alors je vous laisse reprendre le fil. Là, tu, à ton tour. Moi, je vais dire, franchement, le concept de race, j'aime pas trop ce mot-là, parce que je sais quand même que c'est ce qui a quand même... Le concept de race, c'est ce qui a amené quand même à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des différences... ethnie et tout ça, je pense qu'après il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'arriver à s'entendre sur certaines choses, après il y a d'autres personnes qui utilisent ce mot race pour justement dénigrer les personnes, et malheureusement je pense que c'est quelque chose qui va peut-être pas être qui a tendance à prendre le dessus. Vous m'entendez ou pas? On t'entend très bien, oui. Merci. Et par contre, si on ferait le concept de rage, j'aime pas. Peut-être plutôt, je partirais peut-être plus pour faire court sur quelque chose d'ethnie, de différence. Il y a différentes religions et différentes ethnies, comme des différentes tribus. Mais le concept de race, pour moi, est un petit peu insultant. D'accord. Bon, on va creuser un peu plus au fil de la discussion. Lila, c'est quoi pour toi? Moi, je suis pas trop d'accord avec le mot race. Je pense qu'il n'y a pas de race, mais il y a des ethnies et des peuples qui vivent dans des milieux naturels différents. Et voilà. Et je pense qu'on n'a pas de mot, en fait, réel pour définir le mot race. Et c'est un problème aussi. Je m'en pure, celle-là. Merci. Et l'historien? L'historien qui n'a pas l'air d'être actif. Bourbon, vas-y. Alors, le concept de race. Donc, je suis un ancien gauchiste, donc repenti. Donc, on va dire qu'avant, je pensais qu'il n'y avait qu'une seule race, la race humaine. Mais j'ai changé d'avis, que pour moi c'est l'espèce humaine et il y a différents sous-groupes qui s'appellent les races, voilà, tout simplement. Après on peut me traiter de raciste, ce que vous voulez, bon ça c'est... Au point de vue, je suis pas le seul à le partager, donc voilà, sans aucune exclusive, moi je suis pour quelque part chacun chez soi, et les vaches sont bien gardées, donc voilà, chacun vit dans son milieu naturel, les Européens en Europe, et les Africains en Afrique, les Asiatiques en Afrique, voilà quoi. D'accord, merci, on y reviendra. Et donc bon. L'historien vient de répondre, donc moi je vais élever le niveau du débat. Je pense que la France est le pays le moins raciste, non seulement d'Europe, mais même du monde. Ce que les Français, on va appeler de souche ou de souche européenne, ne supportent pas, c'est les différentes cultures. Des gens qu'on a fait venir chez nous, qui ont un autre aspect au corps, à la femme, qui s'habillent différemment, je pense que c'est ça qui énerve les Français. Et tout, on appelle des réactions de racisme. Par exemple, refuser de louer son logement à des Noirs ou à des Arabes, etc., etc., refuser de les embaucher. Mais je pense que la France n'est pas raciste, le problème, c'est les différences culturelles. Je pense aussi que les races existent. Et voilà, je pense que c'est un bon début. Merci. Et aussi autre chose, je pense que l'antiracisme, c'est un cache-sexe, un cache-misère pour être en fait du racisme anti-blanc. Je prends l'exemple des ateliers interdits aux blancs qui sont faits par des antiracistes. Donc les antiracistes sont les racistes et l'antiracisme ramène le racisme. Merci beaucoup. Bon, on y viendra très rapidement, France. Magique, si tu peux t'exprimer sur la question de la race et de son existence. Magique, tu nous entends? On passe à Monsieur Pringles. Oui, il y a des groupes biologiques issus de l'évolution, tout simplement. D'accord, des groupes biologiques issus de l'évolution. Ensuite, on a œil. Pardon. Oui. Ouais, je vous écoutais. Autant. La race. C'est plus adapté aux animaux, quoi, déjà. Le mot, ça tique moins quand on en parle pour les animaux. Dès qu'on en parle pour les humains, ça fait un peu plus chier. Effectivement, comme ça a été dit, il y a l'espèce humaine. Effectivement, il y a la race humaine. C'est une espèce, une race, des humains. Après, il y a différentes espèces, quoi, on pourrait dire. Effectivement, on n'a pas trop... Disons que le vocabulaire s'est développé, effectivement, race, espèce. C'est l'ethnie qui est plus sympathique, quoi, qui était plus... c'est Lévi-Strauss qui a beaucoup fait avancer ce concept ethnologique des humains, donc pour différencier tout ça. Donc maintenant, c'est plutôt une histoire d'utilisation du langage de nos jours, toute la nouvelle langue travaille beaucoup là-dessus, donc là, c'est un peu mélangé dans toute cette soupe, ce mot-là, race. Maintenant, effectivement, il y a des distinctions claires qu'il suffit de voir avec ses yeux, tout, voilà. Comme disait Chirac, le bruit des odeurs. D'accord. Donc déjà, il y a plusieurs références à la sémantique dans ce que vous avez pu dire. Ensuite, il y a Pierre. Ouais, bonsoir à tous. Donc, pour moi, effectivement, il existe l'espèce humaine, avec en dessous des sous-espèces qu'on va classer par race. Et pour moi, la race, c'est quelque chose qui est génétique, ethnique, territorial et puis culturel. D'accord. Bien, merci. On a Randall. Bonsoir, je ne sais pas si tout le monde m'entend. Oui, on t'entend. Pour moi, les races, c'est clair que ça existe. Moi-même, je suis métisse et je trouve que c'est pas un mot péjoratif, le mot race. Et c'est évident que les races existent. Voilà, c'est tout. Très bien, merci. Révax. Oui, bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui. Alors, écoutez, alors moi, au niveau race, je pense que ce n'est, il ne faut pas prendre le mot race comme un terme péjoratif. Parce que il ne faut pas confondre race et identité. Je pense qu'il y a, pour moi, quatre races sur cette planète, qui est la race humaine, la race animale et la race végétale. Et une race que l'on ne connaît pas ou que l'on ne veut pas connaître, et pourtant qui existe, c'est une race extraterrestre. Par rapport à ce qui se dit dans la culture, les champignons, il y a quelque chose qui est derrière tout ça. Donc je pense qu'il y a plusieurs, voilà. Pour moi, il y a plusieurs races. Et parmi ces quatre races, il y en a une qui domine forcément les trois autres. Merci, merci. Alors, on a Scoop peut-être. En ce qui me concerne, pour l'instant, je vais vous laisser parler. Merci, Scoop. On va attendre, avant de passer à la parole à tout le monde, hein, les deux derniers intervenants, monsieur au pseudo Rouskov, qui veut peut-être s'exprimer. La fameuse. Oh, c'est du grec. Ah, du grec, c'est bon pour moi, d'accord. Ahmed à ce moment-là. Ouais, bonjour. Eh bien, bonsoir à tous. Moi, avant, j'étais un petit Oui, moi, j'ai rendez-vous, Eric, qui vient ici. On va dire les différentes vidéos que j'ai visionnées sur Internet. Je suis j'ai été obligé de constater, c'est pas la race, plutôt l'ethnie. Il y a l'espèce humaine, il y a les races slash ethnie, qui sont des différenciations, on va dire, des nuances comportementales et aussi des adaptations physiques à un certain environnement. Le problème, c'est qu'on oublie que ces traits, ils ont été sélectionnés à travers le temps par rapport à un environnement donné. Pour moi, l'ethnique s'accroche souvent au culturel. Faut surtout toujours attacher ça à l'environnement et pourquoi ce fait a perduré à travers les générations. Pas de tout. Ben, merci beaucoup. Est-ce que je pourrais ajouter un... Oui, vas-y. Oui, on parlait des synonymes de race, on parlait des thèmes, de progression aussi. Mais je pense que les deux synonymes les plus proches, c'est génotype. Et ça, de toute façon, la science l'utilise toujours. Enfin, je trouve qu'on ne pourra pas nier l'existence des races. On n'a qu'à les appeler phénotypes ou génotypes. Merci à la génétique. Thomas, peut-être que tu veux exprimer ton avis sur le sujet. Bah, écoute, on a entendu plein de définitions, plein de choses intéressantes. Après, pour ma part, personnellement, moi aussi, je n'étais pas très convaincu, en fait. Jadis de l'existence des races, parce que comme il y a plein de gens qui l'ont exprimé, le mot race il reste très péjoratif, et particulièrement en France. Ça, je suis d'accord aussi avec ce qu'il disait Louis de Bourbon, que la France c'est vraiment très particulier en Europe là-dessus, parce que c'est vrai qu'on est allergique à ça. Enfin, d'ailleurs, c'est pour ça que tous ces nouveaux discours, à mon sens, qu'on entend aujourd'hui sur la race, c'est complètement nouveau pour la France. Je t'assure que moi, il y a 20 ans, 30 ans, je n'ai jamais entendu ces discours-là. C'était ultra minoritaire chez minoritaire. Enfin, alors qu'aujourd'hui, c'est des vraies questions. Et en France, c'est étonnant parce que ça n'a jamais été le cas. Ça veut dire que pour moi, c'est presque une réaction immunitaire, quoi, comme la réaction de défense immunitaire du système. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut, pour bien se redéfinir, on voit que le caractère racial, effectivement, il a du sens, quoi. Et on peut pas, c'est un facteur que tu ne peux pas, en fait, je pense, enlever dans l'équation, quoi. Voilà. Ok, merci beaucoup de votre part. De ce que personnellement j'ai entendu, ce qui revient beaucoup, c'est que, enfin, en tout cas, les divergences qui reviennent beaucoup, c'est sur la sémantique, en fait, et sur ce qu'on entend derrière le mot race. Donc, au final, pour la plupart d'entre vous, ça reste quelque chose qui existe, dans la nature, et donc il y a vraiment juste des divergences au niveau de ce qu'on entend derrière, et je vois totalement que certains parmi vous, pour eux, n'acceptent pas vraiment ce terme, le refus en quelque sorte, ne le reconnaissent pas, Mais ce sera intéressant de savoir si on peut s'accorder sur une définition de ce qu'est la race. Enfin, peut-être pas refaire un tour de table, mais si des personnes qui sentent l'esprit de synthèse pourraient essayer de... À la fin, j'ai pas l'esprit de synthèse, mais je veux bien rebondir quelques secondes sur ce qu'il vient de dire Thomas. Et là, je vais parler plutôt des Européens, des Euro-descendants, des Français souches. Le problème, c'est que depuis la Révolution, on leur a retiré l'Église, qui faisait une espèce de société. On leur a enlevé la famille. Ah, c'est pas bien, le père, etc., le bon père de famille, on l'a enlevé. Maintenant, on est en train d'enlever la nation avec l'Union Européenne. Les nations, c'est le bruit des peuples, le nationalisme, c'est horrible, c'est pas bien. Et bah, quand on a enlevé tout ça, ils restent noirs, les blancs, il leur reste plus que la race, puisqu'ils peuvent plus se définir en tant que nation, ni en tant que chrétien, bah, ils disent on est des blancs. Et en face, c'est des autres qui sont encore plus radicaux, les ateliers anti-blancs, comme j'ai évoqué tout à l'heure, nous on est des noirs, on est des tribaux, etc., les noirs et les arabes, bah, forcément les blancs en réaction, ils disent bah, nous on est des blancs, l'européen c'est mes frères, le polonais, le portugais, on est tous des blancs. Et voilà, bah, une fois qu'on a fait sauter la famille, la nation, l'église, bah, les gens ne restent plus que la race. Je demandais juste ce qu'il vient de dire, je ne sais pas. Je sais simplement qu'on en vienne à là, bah, c'est parce qu'on a tout enlevé. On a fait sauter toutes les dix. Bah, c'est une remarque intéressante. Il y en a deux qui veulent rebondir sur le sujet, tant qu'on est sur le sujet spécifique de la race et de sa définition, etc. Bonsoir. Ah, bonsoir. Arnaud, tu nous rejoins, je rappelle que. Et je ne sais plus qui va rejoindre. Je rappelle simplement rapidement au niveau que vous joignez un débat qui a vocation à être publié plus tard en ligne et donc a pour thème l'antiracisme et qu'on était actuellement sur la question de la race, de son existence, du concept, du terme, de la sémantique autour de la race. Donc n'hésitez pas à partager votre point de vue sur la question. Okay. Si je peux me permettre, est-ce que vous La race, il ne faut, tout à l'heure, il ne faut pas confondre. Si on part de la base, c'est avec une mort. Mort. Voilà, je voulais te couper. Voilà, je n'entends rien là. Ouais, c'est pas bon. Je voulais te couper, on n'entend pas. Essaye de régler tes problèmes de connexion d'abord. On va passer rapidement à la parole à peut-être Arnaud qui nous a rejoint, si tu nous entends. Oui, c'est hyper intéressant que vous parliez de ça, parce que c'est une question que je me pose depuis longtemps en suivant les milieux nationaux et tout. J'ai eu beau chercher dans le terme de race, alors vous voyez Deleuze-Quint qui fait part de Carleton Coe et tout ça. Il y en a qui parlent d'ethnie, d'autres d'apleuro. Et je me demandais si c'était la même qualification qu'on donne par exemple typiquement les animaux domestiques qu'on connaît le mieux, les chiens, les chats, on parle bien de race, on est d'accord. Et je me demandais si c'était pas. En fait, il n'y avait pas un modèle unique, fondamental, créé par la nature, et que ce qu'on appelle race, en fait, c'est beaucoup plus complexe qu'un taux de mélanine, tout ça. C'est que même entre guillemets deux blancs, un slave et un européen occidental, et même un africain de l'Est, un africain de l'Ouest, ça ne créerait pas une nouvelle race, justement, si c'était pas plus précis que l'haplogroupe, tout simplement. Merci. Donc voilà, c'est toi pour le coup, une définition qui se rapprocherait plus d'une définition génétique, si on comprend bien. Voilà, exactement. C'est très précis en fait. Merci. Et on a FTP aussi qui a pas l'occasion d'exprimer son avis. Oui, bonsoir tout le monde. Alors moi, j'ai une approche derrière. Je vois la race surtout d'une approche génétique en fait. Par rapport à ce que peut nous dire la génétique, donc c'est une approche relativement moderne et j'aime bien transposer ça avec le règne animal par exemple. Et en fin de compte, d'un point de vue génétique, les races ne sont que faites par rapport à un barème en fait, parce que vous aurez des espèces qui sont à part entière et puis ensuite vous aurez des sous-espèces, c'est-à-dire qu'il y a des variantes génétiques mais qu'on ne considère pas assez importantes pour créer une nouvelle espèce. Alors, c'est pareil. Où en sont les barèmes par rapport à l'humanité? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a plusieurs races ou est-ce qu'il y a seulement des variations génétiques qui fait qu'il y a des différences qui seront dues au biotope ou à beaucoup d'autres choses? Voilà, c'est mon point de vue sur la question. Ok, merci. En fait, c'est juste vraiment pour démarrer sur le sujet. Encore une fois, ce sera de l'antiracisme. Et on a, pour finir le tour de table, je crois, Violette qui s'est pas encore exprimée, si elle le souhaite. Oui, bah, je rejoins un petit peu ce qui vient d'être dit, plutôt une approche, on va dire, scientifique et génétique. Et puis l'ethnie qui est plutôt une partie, une sous-espèce, on va dire, de la race, avec plus l'aspect civilisationnel, culture, etc. On voit ça comme ça. D'accord. Donc pour l'instant, on est dans une définition qui mêle génétique et culturelle. Donc effectivement, je comprends ceux qui mettent en avant que c'est, ça peut être synonyme aussi de peuple, de nation, etc. Donc bah, écoute, on va peut-être avancer, moi quelqu'un veut y ajouter quelque chose Peut-être. Pas mal. Peut-être. En fait, on a parlé de plusieurs choses, je ne me rappelle plus qui a parlé de quoi, mais tout d'abord, par rapport au terme race, je sais qu'il y en a pas mal qui ont dit le concept de race me dérange. On préfère parler d'ethnie. Prenons par exemple le concept d'ethnie, je pense que la plupart d'entre vous l'entendent quand on dit ethnie. Par exemple, en France, il n'y a pas des. Si on prend les blancs en France, il n'y a pas d'ethnie. D'ethnie bretonne, d'ethnie normande, d'ethnie chinoise, enfin voilà, ce que vous voulez. En Afrique, il me semble, je vous dis peut-être des bêtises, qu'il y a plus de 1000 ou 1200 ethnies différentes. Pour nous, entre guillemets, enfin pour ceux d'entre nous qui sont françaises, on va dire, ne semblent pas radicalement différentes, et pourtant on trouve dans le concept d'ethnie suffisamment de différences pour parfois s'entretuer. Ce qui, dans mon esprit, signifie juste que le fait d'utiliser le terme ethnie à la place du mot race ne nous prémunit pas de la dangerosité de ces catégories. Tout ça pour dire que, comment dire, le terme race, on a du mal à l'utiliser, on préfère utiliser le terme ethnie, parce qu'on y voit, vous savez, les nazis, le point Godwin, parce que tu n'es pas de la même race que moi, je pense que tu es inférieur, que tu mérites de crever, etc. Il me semble que la biologie a exclu, la biologie ou la bienséance en politique ou dans le politiquement correct, a exclu du discours acceptable l'utilisation du mot race au bénéfice de l'utilisation du terme ethnie ou du terme. Catégorie culturelle ou ce genre de conneries, enfin je dis ce genre de conneries mais il y a bien de mal, dans le but de nous prévenir des conséquences funestes, si vous voulez, de l'utilisation du mot race. Mais par exemple, les Tutsis, les Hutus, pourquoi ils sont entretués? Pas parce qu'ils étaient d'une race différente, mais parce qu'ils étaient d'une ethnie différente. Donc je pense que la dangerosité d'une race ne tient pas à l'utilisation du terme race, mais au propre de l'être humain. Et donc peut-être que l'utilisation du mot race ou du mot ethnie, ça. La dernière chose que je voulais dire, c'est que prenons par exemple la biologie, puisque j'en parlais, exclut l'utilisation du terme race pour les humains, parce que c'était dangereux, mais elle continue d'accepter que l'on considère qu'il y a des races de chats. Alors, il n'a jamais été prouvé, il me semble que je peux peut-être me tromper, que quand vous adoptez un chartreux et que vous adoptez une gouttière, que vous adoptez un chat, je ne sais pas de quelle race, par exemple, les chats-là, ils n'arrivent pas à vivre ensemble et qui s'entretuent sous prétexte qu'ils ne sont pas de la même race. C'est tout ce que je voulais dire. Et après, on a parlé aussi de culturel. Je pense que le culturel a une importance extrêmement prégnante dans la mesure où ici, on a des métis. J'ai entendu un gars qui a dit qu'il était métis lui-même. Il est là avec nous. On est en train de discuter de ces questions. Et je pense qu'on est en train de discuter de... Merci Corinne. On reviendra sur c'était des remarques intéressantes. On reviendra de toute façon, on ne fera pas l'économie de parler du politiquement correct, etc., qui va avec la race, voire même de la censure, etc. Je termine pour exprimer également mon avis sur le sujet. Je considère que le problème sémantique est un détail, donc à mon sens, et qu'en fait, il s'agit, le cœur de la question, c'est qu'il s'agit de reconnaître des différences bien, bien distinctes entre différents peuples, ethnies, peu importe le mot qu'on va mettre dessus, civilisation, nation, et que le cœur du problème, c'est qu'il s'agit de reconnaître ces distinctions-là. Après, derrière, on peut parler de biologie, de culture, mais je crois que le problème sémantique, c'est un détail pour ma part, et voilà, je tenais à le dire. On va continuer, si vous voulez bien. Il y a juste Magique qui voulait prendre la parole, parce que je crois que son micro était bouclé, mais c'est marché. Ah, très bien. Magique, essaye de parler. Ah, bah son micro ne fonctionne pas. Ah, bah voilà, Magique, ça marche. Ah non, c'est pas Magique, excuse-moi. Magique Destroy. Bon, bah écoute, son micro ne fonctionne pas alors. Vas-y, à l'assaut, reprends, excuse-moi. Ouais. Ça, j'ai pas grand... Quand tu seras bon, Magique, tu me fais le signe. En tout cas, maintenant, il va falloir traiter du thème principal, qui est donc l'antiracisme. Et donc, il serait bon de peut-être pas d'en faire une définition, parce que c'est quand même assez vague comme concept. Mais peut-être un historique de ce qu'est l'antiracisme, ou en tout cas recueillir ce que vous pensez de ce concept-là, de ce combat politique. En fait, c'est une idée politique. Est-ce que vous pouvez vous prononcer sur ce que vous considérez être... Moi, je veux bien prendre la parole si. Vas-y, allez, avec plaisir, vas-y. Bah, en ce qui concerne l'historique, je peux peut-être me tromper, mais il me semble que ça commence dans les années 80 sous Mitterrand. Il y a des petites affaires, il y a des affaires d'Arabes, de Noirs qui sont tués par la police, jetés par la Seine, etc. Les histoires des colères d'affiches du FN qu'ont tué un Maghrébin à Marseille. Puis il y a la marche des beurs, et là on commence à dire, il y a des minorités visibles, et puis elles ont passé de place, c'est les Blancs qui sont à la télé, c'est les Blancs qui ont les grandes entreprises, etc. Et il faudrait peut-être faire une place à ces immigrés qui descendent d'immigrés de première génération. Nous sommes les deuxième génération, on parle français, nous avons fait les codes de la République, il faudrait peut-être nous faire une place. Et ça part de là. Et voilà. Ça, c'est l'historique que moi je connais. Si quelqu'un a plus de détails, ça remonte à voir. Moi, il me semble que c'est sous Mitterrand que ça commence. Merci. Moi, je pense aussi qu'on peut trouver des traces avant. Est-ce que Arlan Robotics, tu peux rebondir? Moi, je pense pas. Moi, je pense que l'antiracisme, c'est un sous-produit de l'antinazisme, en fait. C'est-à-dire qu'en 1945, quand on a écrasé les Allemands, après, on a détruit complètement toute leur idéologie. Il y a eu ce qu'on a appelé la dénazification. Et c'est de là que c'est parti. Et je pense qu'aujourd'hui, on a le résultat final de cette dénazification, qui est Angela Merkel. C'est-à-dire que Angela Merkel fait exactement l'inverse du national-socialisme. C'est-à-dire que pas de nationalisme, donc les étrangers qui viennent en Allemagne, et surtout pas de socialisme, avec les jobs à 1 euro et les gens qui crèvent dans la rue. Et je pense que c'est ça le problème. Merci. Alors donc pour toi, donc ça remonterait plutôt au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est là que ça aurait vraiment démarré. D'autres personnes ont d'autres visions différentes? Moi j'aimerais bien faire le point avec ce que disait Arnaud Robotics. Oui, Climat, vas-y. Ouais, donc du coup, en fait, pour faire le point à ce qu'il disait, l'antiracisme, on peut le voir un peu comme une sorte d'anti-soi-même, en fait, parce que si vous voulez, pour moi, le racisme en tant que tel, ça serait plus l'idéologie de prôner sa propre race, c'est-à-dire que si on diffère, si on établit des différences entre les races, du coup, on sait que là, on en a une qui nous est propre et on a des confrères qui partagent la nôtre. Donc, du coup, dans une nation, normalement, on retrouve les gens de la même race. Après, maintenant, on est dans un pays qui, voilà, a subi des vagues migratoires, des choses comme ça, du mélange culturel qui fait que dans ce gloubi-goulga, on a du mal à s'y retrouver. Mais, par exemple, prenons un pays comme l'Islande, où les gens partagent la même culture, ils ont tous la même couleur de peau, ils se ressemblent quasiment tous. Donc pour moi, je peux établir qu'ils ont la même race. Et du coup, pour moi, l'antiracisme, ce serait des gens qui pensent que du coup, il faudrait lutter contre la race établie dans le pays. Donc du coup, par exemple, prenons par exemple en France des gens qui ont prôné l'antiracisme comme Harlem Désir, comme Bendit, etc. À mon avis, c'est des gens qui ont vraiment une haine vraiment de la race qui domine dans le pays et ils veulent détruire cette chose-là. Donc en fait, les antiracistes sont vraiment des gens pour moi qui veulent saboter la nation et les fondements de la race qui est établie sur le territoire. 100% d'accord. J'aimerais intervenir. Ok, on va donner la parole à Koukine. Donc là, je rappelle qu'on essaie de parler de l'historique de l'antiracisme, de l'antiracisme en tant que tel. Et donc là, Klima vient de mettre en avant le concept de haine de soi. On y reviendra peut-être. Donc Koukine. Oui, j'aimerais l'inscrire un peu plus dans l'histoire des idées. L'antiracisme n'est qu'un prolongement naturel d'une rupture philosophique qui remonte à Descartes, en fait, qui vise à nier les hiérarchies naturelles et les réalités anthropologiques pour les supplanter par des idéologies un peu factices, qui créent des nouvelles catégories qui sont plus basées sur l'observation, mais sur des choses purement subjectives. Et l'antiracisme, c'est que la prolongation, alors pour monter au communisme, pour monter encore plus loin, pour monter au dualisme cartésien, qui vise à se détacher de soi pour s'étudier à travers l'autre, en fait. Et du coup, l'antiracisme n'est que la forme finale et aboutie d'une philosophie qui vise vraiment à nier son identité en niant les hiérarchies naturelles qui sont à la fois dans les sociétés, dans la nature, et les réalités anthropologiques, comme par exemple la stabilité d'un peuple et son homogénéité ethnique. Tu vois. Et donc, en fait, moi je veux juste préciser ça, qu'en fait ça remonte à bien plus loin que la Seconde Guerre mondiale, ça remonte vraiment à cette rupture philosophique cartésienne, du moins en France. Après, en Europe, il y a d'autres philosophes qui ont participé à ça, mais en France, c'est vraiment là que ça commence, que le début de cette... si tu veux, cette négation de soi pour se définir à travers l'autre commence. D'accord. On voit déjà un peu l'antiracisme quasiment dans la Renaissance. Et à ce moment-là, d'accord. Il y a d'autres personnes qui peuvent... Moi, j'ai une autre origine, une origine juridique et dans le droit international. Ça remonte à juste après la Première Guerre mondiale. En fait, bon, les Japonais, ils ont écrasé la gueule des Russes. Et donc ça a été un grand choc à l'époque parce qu'on disait que des jaunes avaient vaincu des blancs et donc ça a été extraordinaire. Et les Japonais, qui étaient très menacés par le colonialisme occidental en Asie, c'était toujours été leur problème pendant le XXe siècle. Et quand il y a eu la Société des Nations, ils ont essayé de lancer un principe qui devait être voté pour reconnaître l'égalité, le principe d'égalité entre les races. Je crois que ça remonte à 1919. Et donc, en fait, si on veut, dans l'histoire du droit, les premiers antiracistes, ça a été les Japonais. En fait. Voilà. Et bien entendu, ça a été refusé, hein, bien sûr. Là, c'est super intéressant. Là. Et si je peux ajouter quelque chose, j'ai remarqué que vous parliez d'antiracisme, mais c'est toujours une polarité, en fait. C'est-à-dire que les plus antiracistes, en fait, sont les plus racistes ou les plus racialistes, je me rends compte. Et je me demande que, en fait, il n'y a pas une fierté communautaire au-delà de ça, une fierté d'origine de dire d'où on vient et de dire qu'on est meilleur, et qu'en fait, la finalité même inconsciente, ça ne serait pas comme le film « La bienvenue à Gattaca ». C'est-à-dire qu'il y a eu des eugénismes de couleur, etc., mais que ça ne serait pas un eugénisme, c'est-à-dire d'une espèce, l'espèce humaine, avec toutes ces variantes, mais de faire une espèce de super-homme ou de super-femme, une super-femme, pardon, qui supplanterait tout le monde. J'ai l'impression que ça va vers là. Bah, écoute, c'est intéressant que tu dis, ça permet de rebondir avec une question connexe, un peu vraiment très liée. Mais en fait, depuis quand en France, est-ce qu'on a racialisé les débats, en fait ? Depuis quand la question de la race arrive sur le débat politique ? Je vais peut-être me permettre d'intervenir. Pour moi, cette notion d'antiracisme, elle démarre à partir de la Révolution française. Tout simplement parce qu'on a mis en principe l'égalité du citoyen. On a créé un homme nouveau qu'on appelle citoyen et on a essayé de gommer toutes ces différences pour homogénéiser au maximum l'être humain, l'homme, avec la femme bien entendu, afin de pouvoir asseoir la République sur un royaume de France. Et je tiens à rappeler aussi qu'historiquement, quelques années plus tard, les premières grandes manifestations antiracistes, pour moi, c'est ni plus ni moins que la guerre de sécession. D'accord. Alors là, je comptais demander peut-être à Tepa s'il était dans le coin. Est-ce que tu partages ta vie? Selon toi, ça remonte à quand? C'est, là, on a eu Renaissance, Révolution, Première, Deuxième Guerre mondiale, les années Mitterrand. Moi, je suis plutôt d'accord. Je ne sais pas qui c'est qui avait dit sous-produit de la dénazification d'après la Seconde Guerre mondiale. Parce que avant la Seconde Guerre mondiale, les lois en France, elles sont justement plutôt libre sur ces sujets-là, et c'est pour ça que j'ai mis la première loi, justement, qui va être très répressive, la loi Pleven, qui date de 72, et qui va initier ce mouvement, maintenant, qu'on va faire la chasse au racisme, entre guillemets, un peu partout, donc dans la presse, dans les médias, dans le politiquement correct, dans machin, et tout ça va aboutir, 15 ans plus tard, même pas, à SOS Racisme, quoi, c'est-à-dire, c'est l'aboutissement de ce processus qui commence là. Et je suis assez d'accord avec cette vision du sous-produit de la dénazification et du principe d'égalitarisme total, quoi. C'est la victoire du communisme. Hein. Est-ce que je peux rebondir? Alors, dis-moi, Arlan, ensuite Ahmed, merci. Je pense que c'est ça. Et je veux dire particulièrement hypocrite, parce qu'en réalité, dans les années 30, les Allemands étaient très très loin d'être les plus racistes. Je ne sais pas si vous connaissiez par exemple l'émission Histoire parallèle qui passait il y a des années, où ils montraient les informations des différents pays pendant la guerre, et on voyait que les informations les plus racistes, c'était les informations américaines ou anglaises, surtout anglaises, ce qui s'explique parce que l'Angleterre avait plus besoin du racisme que l'Allemagne, parce que c'était une puissance coloniale, alors que l'Allemagne était très peu. Et c'est assez hypocrite de la vainqueur de mettre le racisme sur le dos des Allemands, alors que les premières lois raciales, elles ont été votées, je crois, appliquées dans l'État de New York, et que, comme l'histoire de Jesse Owens l'avait montré, Jesse Owens avait beaucoup mieux traité aux Jeux Olympiques en Allemagne qu'il n'était traité aux États-Unis, qui était probablement le reste du monde. D'accord, merci. Attention à vos connexions, les amis. Ahmed, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, par rapport à la loi de 72, moi, je dirais que c'est un truc de post-68. Ah oui, c'est de la dénazification, ça c'est vrai. Mais aussi, c'est post-68, c'est-à-dire la minorité, entre guillemets, du sexe faible, elle a trouvé dans les immigrés, cette minorité qui est opprimée, selon elle aussi, des alliés. Donc, elles ont poussé, pas que les femmes, hein, on va dire les féministes, pas les femmes, les féministes et des gens qui sont, on va dire, des internationalistes et les secondes générations d'immigrés se sont trouvés comme des alliés contre l'ennemi commun, le dit mâle blanc dominateur. C'est pour ça que ils ont fait un délire médiatique, une campagne médiatique contre le mâle blanc. Ce n'est pas mon avis, je définis, je constate la réalité, c'est tout. D'accord, donc tu rapproches la lutte féministe à la lutte antiraciste de toutes les minorités. C'est assez pertinent. Ne pas dire, ouais. Pas dire des femmes, par contre, ce sont des minorités, parce que d'une manière générale, elles sont plutôt majoritaires d'ailleurs. Oui, mais c'est des minorités par rapport à leur pouvoir effectif. Bien, d'autres personnes pour rebondir, parce que sinon on avance, hein. il y a d'autres sujets. Hein. Comme moi, je voulais réagir, je crois. Il paraît que j'ai bugué, vous avez pas entendu la fin? Oui. Oui, c'est vrai, ça a bugué à la fin, on n'entendait plus. Je viens de couper mes téléchargements. Je disais que oui, Jesse Owens, qui avait été beaucoup mieux traité en Allemagne, quand il était aux Jeux Olympiques, qu'il n'était traité aux États-Unis, où il devait quand même monter à l'arrière des bus. Et je disais aussi que ouais, les États-Unis, c'était probablement à l'époque le pays le plus raciste du monde, en fait. Donc c'était un peu hypocrite de la part des vainqueurs de mettre ça sur le dos des Allemands. D'accord. Ils disent pas le racisme là-bas, ils disent ségrégation d'ailleurs. On parlait de ségrégation. Mais là, il a quand même bien raison, parce que les Américains, ils donnent des leçons de racisme au nazisme, mais l'exemple de Jesse Owens, il est vraiment éloquent. Mais il y a un autre exemple aussi moins connu, tiens, à mettre dans la bouche des antiracistes français, c'est les Noirs américains qui vont arriver à Paris avec l'armée américaine à la libération, et dont beaucoup vont s'installer en France après la Seconde Guerre mondiale. Et pourquoi elles s'installent en France quand tu vas les interroger? Parce que tous ils disent « Ah bah ici, les Blancs ils sont gentils, ils me disent bonjour, je peux m'asseoir dans un café, personne me fait chier, etc. » On est en 1947, donc faut arrêter avec ce racisme endémique des Français, justement, c'est tout l'inverse, toute l'histoire le prouve, quoi. Les Jeux Olympiques de 1936, il y a eu deux incidents racistes. Le premier incident, c'était dans les cantines, il y avait l'équipe américaine de boxe où les Noirs et les Blancs mangeaient séparément. Et le comité olympique est intervenu pour les forcer à manger ensemble. Et l'autre incident, c'est que dans la course de relais, l'équipe américaine avait mis que des Blancs, alors que bien entendu, c'était Jesse Owens qui courait le plus vite. Et là encore, le comité olympique est intervenu pour qu'ils mettent les meilleurs à la course de relais. D'ailleurs, ils ont gagné. Ben, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, je pensais à un truc, en fait, parce qu'en fait, là, on se réfère beaucoup, en fait, à la période de la fin du mois. On y est revenu quelques fois sur la Seconde Guerre mondiale et cette histoire de race, d'antiracisme qui émerge avant, pendant la fin. D'ailleurs, c'est même l'argument de faire la guerre, on va dire. D'une part, puisqu'il faut une minorité raciale qui trouve, que trouvent les nazis pour en faire un argument de propagande et pour faire la guerre. Et l'antiracisme, c'est une forme de guerre aussi, mais justement, c'est toujours en fait avec le concept de race, ou d'antirace, raciste, enfin voilà, quoi. C'est un peu en fait le même concept, mais à l'envers, quoi. Et donc, l'ennemi n'est plus le même, il n'est plus extérieur, mais intérieur au peuple. C'est-à-dire que, du coup, ça se retourne contre nous, quoi. Parce que finalement, moi, c'est marrant parce que les premières fois que je suis venu discuter avec Tepa et quelques gars, les anciens d'ici, un des premiers trucs que j'avais argumenté, on était déjà au même point. Ça n'a pas beaucoup avancé, là. On a un peu dans le sable. C'est que j'avais parlé d'un de mes souvenirs en France, enfin, mon premier petit copain, j'habitais dans une petite résidence avec des petits pavillons, et en face il y avait une petite cité, une petite, et mon premier pote, moi, quand j'avais 6-7 ans, primaire, bah, il s'appelait Farid, quoi. Et j'avais aucun bouche, enfin, je faisais pas de distinction, les petits enfants ne font pas de distinction. Maintenant, beaucoup, ils font parce que ça commence, quoi, c'est oppressant, quoi, donc ça transpire de partout, ils sont obligés, parce qu'ils sont vraiment. Mais moi je faisais pas la distinction, et c'est justement les antiracistes. Je me souviens, je l'ai vu venir moi dans mon collège quand j'étais ado, j'étais en 5e ou 4e, je l'ai envoyé chier à Ndésir, quoi. Parce que je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu viens m'emmerder avec des conneries? Parce que pour moi c'était un non-sens en fait de me dire que faut pas. Enfin voilà, quoi, que vous pouvez être gentil avec machin ou truc, il n'y avait même pas besoin de me le dire, quoi. On est correct avec tout le monde et basta. Donc. En fait, c'est des armes assez puissantes, en fait, ces concepts-là, parce que Hitler, il a soulevé, il a réussi à mobiliser quand même un petit peu du monde à son époque, quoi, avec ses histoires de race, etc., quoi. Ils ont fait tout un théâtre, les nazis, etc., ils ont bien habillé ça, ils ont récupéré des trucs de l'histoire de Rome, tout ça, pour faire un joli truc esthétique. Et là, on a un peu l'inverse, mais justement, l'esthétisme, il est beaucoup plus dégueulasse, parce que bon, c'est pas la même, quoi. Mais, l'ennemi, c'est nous, c'est l'intérieur. Justement, ben, en rapport avec la question, c'était aussi de savoir qui a racialisé le débat, en fait. Qui a amené vraiment la race au cœur du débat politique. Et à côté de ça, je résume un peu ce que vous avez dit, c'est qu'on trouve à la fois des germes de l'antiracisme aussi loin qu'on puisse remonter dans la Renaissance, dans la Révolution, etc. Mais en fin de compte, ce qui a vraiment porté l'antiracisme, c'est l'institutionnalisation de l'antiracisme, qui est plutôt récente. Donc on entendait parler de la loi de 72, et puis derrière, peut-être, est-ce que ça revient aussi avec les vagues migratoires? En fait, c'est l'institutionnalisation de l'antiracisme, ça vous évoque quoi, en fait? Qui sont les tenants aujourd'hui de l'antiracisme en France? Je ne sais pas si j'ai bien entendu. C'est Camarade qui s'exprime. Ouais, Camarade. Écoutez, je vais vous dire ce que j'en pense là tout de suite, parce que bientôt je vais devoir me coucher. J'ai entendu Tepa et l'intervenant d'avant, faire une petite digression vers Jesse Owens et le fait qu'il avait été mieux traité aux Jeux Olympiques par Hitler, etc., que dans son pays d'origine. Moi, ce que ça m'inspire, c'est que les dernières personnes que j'ai entendues vraiment casser les couilles à tout le monde à propos du racisme, c'est Manuel Valls, le Parti Socialiste, qui pétait les noirs en permanence, sans prendre en compte le fait que, à l'exception de, l'arabe qui cache la forêt, c'est-à-dire Madame Najat Vallaud-Belkacem, le Parti Socialiste, il y a tellement de leçons de bonne conduite et de morale à donner à tout le monde, ça reste quand même un parti de blanc. C'est un parti où, je suis désolé, vous avez deux, trois exceptions culturelles, le député socialiste de Guadeloupe, celui de Guyane et de Martinique, et le reste, ça reste un parti de blanc. Et c'est des gens qui passent leur temps à taper sur la gueule de gens qui ont peut-être des amis noirs, des collègues noirs, avec qui ils s'entendent très bien, et qui ont plein de leçons de morale à leur faire en permanence. Je trouve que ça commençait bien avec ce que Topal de comprendre vis-à-vis de cette hypocrisie des États-Unis qui ont mis sur le dos de l'Allemagne tout le racisme du monde de l'époque et sur le dos de, et quand on met sur le dos du Front National par exemple, aujourd'hui, qu'on vote pour lui ou qu'on vote pour eux, qu'on vote pas pour eux, tout le racisme du monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne votes pas pour le Front National, tu votes forcément pour un parti antiraciste, alors que je suis désolé que vous votiez pour les écolos, pour le PS, pour les Républicains, etc., qui se déclarent antiracistes et favorables au fait que vous soyez absolument dénué de toute préférence, blanche, ou pétri de préférence blanche. Donc tout ça est de l'hypocrisie, que ce soit à l'époque des Américains pour des Jeux Olympiques à Berlin ou à l'époque d'aujourd'hui, on a des gens qui sont véritablement, j'ai envie de citer Mélenchon, des tartuffes, et qui font la morale à tout le monde alors qu'ils ne se l'appliquent pas à eux-mêmes. Donc pour ce qui est de Mélenchon, lui il se l'applique uniquement quand il a des députés black comme Daniel Obono, qui, elles, ont l'air d'être tout à fait en phase avec l'idée de la préférence raciale. Et quand vous voyez, par exemple, la défense qu'elle a pour divers sujets, vous voyez bien que tout ça est très lié par une préférence raciale ou une préférence ethnique, s'il y en a qui préfèrent ce mot-là. Mais voilà. Bon, bref, ce que je voulais vous dire, c'est que je ne suis pas tout à fait sûr de savoir exactement de quoi on essaye de parler ce soir, parce que finalement, la définition biologique ou culturelle du mot race, est-ce que ça ne cache pas notre envie de parler tout simplement de culture? Puisque là, on a Tepa avec nous, Tepa qui est issu de plusieurs cultures, qui est traité de Kunti par des gens qui s'identifient comme noirs, parce que lui ne s'identifie pas comme noir, ni comme blanc, mais comme français. Est-ce que c'est pas ça, finalement, le débat de fond? Bon, je ne sais pas si je suis clair. Si, bon, on est sur les rails, hein, merci. Peut-être que Tepa, tu veux réagir à ça? Bah, c'est intéressant, effectivement, oui, c'est intéressant. Bah, moi, je peux poser la question, déjà, est-ce qu'un métis, c'est une nouvelle race, ouais, tu vois, Ou alors, est-ce qu'un métis, c'est un bâtard? Ah, pas qu'un métis soit un bâtard, enfin, en tout cas, ça dépend du sens qu'on met sur les mots bâtards. C'est un enfant hors mariage, ça n'a rien à voir. Voilà. Dans l'acception générale, le mot bâtard est une insulte. Juste une question, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous n'avez pas l'impression que c'est une histoire de temps, que ça va trop vite en fait? C'est tout simplement que la technologie a permis ça. C'est-à-dire qu'il y a des civilisations, des peuples. Déjà, on voit l'histoire de l'humanité, quelle que soit la civilisation, ça ne s'est pas fait tout en tendresse. Mais aller aussi vite en l'espace de quelques décennies, ben forcément, ça crée des clashs. C'est pour ça que je reparle de cette histoire d'eugénisme de certaines élites. C'est-à-dire que, pour moi, ils se disent, ça va faire des mélanges, mais pas des mélanges culturels, etc. Et ça donnera vraiment, comme je ne sais plus qui disait, un homme nouveau, une femme nouvelle, justement. Une espèce de super-homme, de super-femme, qui sera homogénéisée, et là, on pourra tout gérer. Pardon ? Comment, tu veux ajouter quelque chose ? Ajouter quelque chose parce que c'est intéressant, enfin, parce que ce qu'a dit le dernier intervenant, je suis désolé, en fait, le problème c'est qu'on ne voit pas qui s'exprime et j'ai du mal à les noter. Ce qu'il vient de dire me fait penser à une conférence de Jacques Attali où il faisait l'apologie du métissage généralisé et massif. Moi honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les peuples du monde, il n'y a pas de problème. Vraiment pas de problème. Néanmoins, le jour où le concept de Jacques Attali sera appliqué au monde entier, sauf à sa communauté à lui, et j'ai pas envie de partir sur un débat centré sur le judaïsme, quoi que ce soit, mais ce qui est à noter, c'est que Jacques Attali est capable de faire à la fois l'apologie du métissage massif, et à la fois, quand il est devant un aéropage de sa communauté, dans une conférence centrée sur sa communauté, ce monsieur-là nous explique que la Shoah la plus terrifiante, c'est le métissage pour les Juifs. C'est-à-dire que c'est une personne qui nous fait à la fois l'apologie du métissage pour le monde entier, et qui à la fois nous explique que le métissage pour les Juifs ne peut pas être autre chose, et que donc ce serait un danger pour sa communauté. Moi, ce que je vois derrière ça, c'est que à la fois dans l'esprit de cet homme-là, qui est certainement un homme intelligent, il y a l'esprit que, force de trop de métissage, il perdra ce qui fait l'identité profonde du peuple juif que je reconnais, mais qu'à la fois, pour tous les autres peuples du monde, il serait intéressant de tous les mélanger. Or, si vous allez au Japon et que les gens ressemblent à un mélange de Mexicains, de Japonais, d'Arabes, de Français, d'Allemands, de Turcs, de Suédois, au bon moment, c'est les gens qui aiment la diversité, qui aiment la particularité de chaque peuple, sont en train de construire un monde où tous les peuples vont finir par se ressembler et avoir la même culture. Et moi, je trouve ça terrifiant, et je trouve que, paradoxalement, c'est une façon de supprimer la spécificité de tous les peuples. Quand vous allez en Afrique, vous aimez bien voir des Africains. Quand vous allez au Japon, vous aimez bien voir des Japonais. Avec quelques exceptions, mais le caractère massif du métissage, je pense que c'est quelque chose qui est triste. Je n'ai pas dit très d'accord comme moi, non. J'ai juste dit que ça a l'air d'être là la ligne directrice, tout simplement. L'intervention au dernier, il me semble que c'est commode et très intéressante. Donc il a tout dit, j'ai pas envie d'en rajouter pour passer pour un complotiste, mais il me semble que à force de ceux qui aiment la diversité, qui veulent mélanger tout le monde, par exemple, regardez, il y a une image qui tournait sur Internet, c'était regardez l'équipe qui a Mediapart. Sur 16 journalistes, c'est 16 blancs. Libération qui insulte le FN chaque jour, oh les racistes, et là c'est passé une affaire, et puis là regardez en Pologne c'est des racistes, c'est une manifestation d'extrême droite, alors c'était juste une manifestation pour fêter l'indépendance de la Pologne, et je suis désolé, mais Libération c'est que des blancs, et vous regardez les mecs des SOS racistes, mais c'est que des juifs ou des blancs, à part ils vont peut-être te mettre une tête d'affiche, ils vont te mettre à Alain Désir, mais derrière c'est des blancs qui se mélangent pas et qui vont dire au petit peuple, mélangez-vous, c'est génial. D'accord. Et c'est des gens qui vont dire mélangez-vous, c'est génial, mais par contre, moi je me mets ma petite famille dans le 16e et je me marie entre blancs et faut surtout pas que ma famille ramène ma mago à la maison. Et ça, c'est une hypocrisie insupportable. Mmh. Ouais, tout ça, c'est des observations exactes. Mais Cora, tu veux ajouter ? Juste parce que peut-être que bientôt, parce qu'après je vais laisser la parole aux gens et peut-être que mon tour de parole passera beaucoup plus tard et demain je me lève. Donc, un truc que je voulais dire pour finaliser mon propos, c'est que prenons une approche mercantile, strictement mercantile de cette question du métissage. Si vous avez un produit à vendre, un sandwich, vous êtes McDonald's, vous voulez être sûr que votre produit se vende en Turquie, en Chine, au Japon, en Ouzbékistan et à Ouagadougou. Vous allez être obligé, pour vendre votre sandwich, de l'aromatiser au goût de Ouagadougou, de l'Ouzbékistan, de Tokyo, de tout ce que vous voulez. Alors que si, dans 200 ans, à force du métissage massif, vous avez réussi à créer une humanité qui ont les mêmes goûts, c'est-à-dire que dans leur centre-ville, vous avez Zara, vous avez H&M, vous avez, je ne sais pas, Carrefour, Rainbow, etc. Et que ces gens ont fini par ne plus avoir aucune identité propre en tant qu'Africain, en tant que Turc, en tant que Chinois, ce sera tellement plus facile et tellement plus rentable de leur vendre le même putain de sandwich. C'est juste ça que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que derrière cette envie de métissage massif que nous exprime par exemple Jean-Jacques Attali, il y a un sous-jacent tout à fait mercantile de se dire au lieu de créer un produit qui plaît à tout le monde, nous avons créé une humanité mondiale qui a la même appétence pour le produit qu'on va leur vendre. Je peux intervenir. Vas-y, Cookie, excusez-moi. Je tiens également à dire que l'intervention qui vient d'être faite est très très pertinente et je suis entièrement d'accord. Donc, ouais, Cookies. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que l'antiracisme et cette volonté d'annihiler la culture d'un peuple donné, c'est appliqué seulement en Europe, quand on regarde, enfin dans le monde occidental, enfin plus large. Mais le capitalisme financier, par exemple, s'il essaie de faire ça en Chine, il est tout de suite freiné par une volonté étatique. Par exemple, récemment, Uber a essayé de s'implanter et les Chinois les ont freinés en obligeant Uber à prendre des parts de la société chinoise qui était la concurrente d'Uber. En fait, cette volonté antiraciste, donc c'est ce thème, mais plus généralement de d'effacer la culture d'un peuple, ça ne s'applique en fait qu'en Europe et dans le monde occidental. Cette volonté, elle est appliquée que dans cette zone-là. On ne demande pas aux Chinois, aux Japonais, aux Africains de se métisser. On ne demande ça qu'aux Blancs. Et c'est pas une volonté mondiale. C'est vraiment une haine dirigée contre l'occidental. Et je pense que pour comprendre la problématique, il faut voir plus loin que le mercantilisme. C'est une dimension aussi théologique. Et presque... oui, c'est une dimension théologique. Est-ce que je peux aller un tout petit peu plus loin? Attends, Arlan, juste, pourquoi ça vise les Blancs? C'est parce qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et plus jamais ça, et c'est qui a créé les meilleures armes, et c'est qui a fait les bateaux pour conquérir le monde entier, et la colonisation, c'est les Blancs, donc c'est eux, il faut calmer, parce que le bruit des bottes, et plus jamais ça. Ouais, moi, ce que disait Bourbon, ce que disait Comrade aussi, et ce que n'osait presque pas dire Fedor, enfin, je sais pas, faut peut-être mettre les pieds dans le plat, mais... Pour les raisons qu'on a dites, que justement cet antiracisme vient de l'antinazisme, je pense que l'antiracisme, c'est quand même essentiellement quelque chose de juif en fait. C'est souvent les juifs. Quand on regarde la France par exemple, SOS Racisme, alors, les fondateurs c'est quasiment que des juifs, même Marie Désir est juif. Et beaucoup d'associations antiracistes. C'est vrai que les idées, ça c'est vrai que c'est bon, c'est un fait à souligner, mais les idées effectivement antiracistes, elles ont été portées par la communauté juive depuis longtemps, quoi. C'est un projet qui est porté par les juifs qui demandaient l'égalité de toute façon dans la société. Donc ils ont porté ce projet antiraciste, ça c'est évident. Ils ont eu l'égalité en France en 1789, l'une des premières lois après la Révolution. L'une des premières lois après la Révolution, c'est l'émancipation des Juifs. Et le député Clermont-Tonnerre, à l'Assemblée, il a été applaudi par tout le monde. Il a dit, nous devons leur donner tout en tant qu'individu, avoir les mêmes droits que les autres Français, mais rien en tant que communauté, aucun droit spécial. Et ça, ça a été bafoué depuis la Seconde Guerre mondiale, je suis désolé. Loïs, lis l'Ancien Testament, tu comprendras tout. C'est juste une étude. Oui, moi je pense que justement, le fait que l'antiracisme soit un truc de juif, ça s'explique peut-être par deux choses. Bah, d'une part, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et l'histoire de la Shoah qui a quand même donné la création d'Israël et qui justifie encore aujourd'hui son existence. Et peut-être d'autre part, peut-être une certaine culpabilité de la communauté juive parce qu'elle n'a peut-être pas été la plus antiraciste dans son histoire avant. Quand on regarde peut-être justement peut-être pas toujours la plus grande bienveillance pour les non-juifs et puis beaucoup d'implications dans des choses comme par exemple la traite négrière ou des choses comme ça. Et du coup, c'est souvent les Marc Richard, quoi. Voilà, c'est que les anciens qui deviennent les plus gentils. Alors, divergation, si tu veux. En fait, depuis tout à l'heure, je vous écoute. trop parler, je suis désolé, je n'ai pu arriver qu'à 23h45 et jusqu'à tout ça, on est 23h50. Je trouve que vous tournez un petit peu en rond. Tout à l'heure, quelqu'un a dit que finalement c'était la culture qui était importante, que par rapport au métis, etc. La culture est une émanation de la race. La culture comme la race, c'est quelque chose qui est adapté au terroir. Je ne parle même pas de nation, de pays, de continent, mais au terroir, à l'échelle locale. Après, vous avez parlé justement d'uniformisation à l'échelle mondiale. C'est plus ou moins d'accord. Il y a eu, par exemple, une uniformisation en France entre les Basques, les Normands, les Bretons, les Corses sont un peu à part, l'Alsace, etc. Maintenant, bon, certes, dans les centres-villes, on a les mêmes pavés, les mêmes magasins, etc. Et c'est plus facile de vendre le même sandwich à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Certes, il y a une forme d'uniformisation. Mais il y a une chose vraiment importante que vous avez soulevée, et juste après, vous avez commencé sur les Juifs, c'est d'une part, c'est le blanc qui a attaqué. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais vu effectivement d'association antiraciste, ne serait-ce qu'en Ouagadougou, là où je ne sais quoi, expliquer au noir, ce serait bien que vous métissiez, que vous ouvriez au monde des tatatis. C'est bien le blanc qui a attaqué. Mais ce blanc il a été attaqué bien avant l'apparition de toutes ces associations antiracistes. Maintenant, c'est même de l'antiracisme découle d'une réflexion marxiste. Les premières féministes ont développé justement cette notion d'égalité. Dans notre nous intérieur, quand je dis nous, dans l'homme blanc, l'homme blanc a toujours été plus ou moins dans une société méritocrate. La méritocratie même, bon, on peut parler de l'art du royalisme, etc. Mais les notions même d'égalité, il a tout de même fallu commettre quelques génocides pour imposer cette idée d'égalitarisme. Et même maintenant, le gauchisme, le pire des gauchistes, s'ils gagnent au loto, j'en ai jamais vu redistribuer leur richesse. Certes, il y en a peut-être certains qui redistribuent, mais cette notion d'égalité à tous les plans, que ce soit au niveau social, économique, mais surtout racial, est une idée marxiste non blanche, effectivement créée par les Juifs, mais dans le but d'attaquer les Blancs. Et le concept de l'homme nouveau, un métis de Mexicain, Japonais, Africain, etc. Bon, il y en a, les complotistes parleront du plan Calergi, mais ça c'est bidon, mais il y a une attaque qui est clairement faite. Est-ce qu'elle vient des Juifs? Je n'en suis pas si sûr, même si c'est eux qui sont à l'origine de cette théorie de la destruction de l'homme blanc. À quelle fin elle sert? Je ne suis pas sûr qu'elle soit des fins de servir pour Coca-Cola, Subway ou McDo. Je pense qu'il y a tout simplement, je disais tout à l'heure, un petit peu maladroitement, il y a quelque chose dont nous, les Blancs, on ne doit pas se cacher et dont on doit être fier, c'est nous qui avons bâti le monde. Si notre culture, et on peut la retrouver partout, ce que vous appelez un métissage culturel, c'est-à-dire on peut retrouver le même sandwich à l'autre bout du monde, ce n'est pas parce qu'il y a eu un métissage culturel, c'est parce que notre culture du blanc s'est imposée au reste du monde. Le reste du monde essaie d'imiter notre culture. C'est nous qui avons bâti la civilisation. Nous avons les 80 couvertes dont nous nous servons tous les jours. Et le fait que l'homme blanc a dans son patrimoine génétique ou dans son patrimoine culturel, appelez ça comme vous voulez, cette volonté de conquérir, de détruire pour recréer, pour toujours aller de l'avant, pour construire. Et tout à l'heure, vous parliez de. Du racisme, etc. Même au 19e siècle, la constitution allemande, c'était la race, le sang. à partir de 1789, en France, c'est devenu, il suffit juste d'être là, de chier, de respirer, c'est bon, vous êtes un être humain. Mais le blanc, il a toujours eu en lui cette volonté de conquête. Un dernier mot. Je vais donner la parole à Klima. Je vais donner la parole à Klima, ensuite à Ahmed. Et avant ça, je tiens à ajouter un petit mot. Donc, je tiens d'abord à rassurer tout le monde. Si vous pensez qu'on est un peu intolérant, etc., je vous rassure, on va se remettre rapidement sur les rails. Et d'autre part, je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que même dans la conception de la France au Moyen-Âge, on n'a jamais mis la race en avant. En fait, c'était pas la race qui primait, même au début du Moyen-Âge, c'était la religion, avant tout. Même au moment des invasions barbares en Normandie, etc., on a pu les laisser cohabiter, etc., mais c'est ce qui primait, c'était la religion. Ce qui conditionnait l'intégration, c'était la conversion au christianisme. Et ça n'a jamais été la couleur de peau ou la race. Donc c'est quelque chose qui est intervenu bien plus tard. Donc il y a Climat. À la sauce, je rebondis un truc. Au Moyen-Âge, on parlait de mot race, mais en fait, c'était la lignée. On parlait de la race des Capétiens, de la race des Mérovingiens, la race des Ducs de Normandie. Voilà, c'était le sens, la race, c'était la lignée, c'était une famille, en fait. D'accord, merci pour la précision. Il y a Climat dans l'ordre et Ahmed, je crois. Ouais, merci à la sauce. Tout ce qui a été dit est vachement intéressant et on pourrait en faire un condensé. Franchement, c'est super intéressant comme concept, le Discord mis en place par l'équipe de Topa. Et du coup, je voulais un peu recentrer le truc sur l'antiracisme. Je voulais recentrer le débat un peu sur l'antiracisme et rappeler en fait que, en fin de compte, en France, je sais pas pourquoi on taille tellement avec l'antiracisme, alors peut-être la théorie de Conrad qui voudrait que l'uniformisation du marché par l'antiracisme, ça pourrait fonctionner, oui, bien sûr. Rappelons déjà qu'en Italie, en Allemagne, en Espagne, il y a eu des régimes racistes. C'était clair, il y a eu Mussolini, il y a eu Hitler, tout ça, il y a eu des régimes racistes. Mais en France, à moins que je me trompe, et arrêtez-moi si je me trompe, il n'y a jamais eu de régime raciste. Donc déjà, je trouve ça absurde qu'on nous tanne tellement avec le racisme que, je sais pas, quelqu'un tout à l'heure a dit « Ouais, dans les collèges, on est venu me voir, on m'a expliqué le racisme, nanana. » Moi, écoutez, personnellement, je vais vous parler un peu de mon réel et du réel de plein de personnes. J'ai vécu dans le 93 jusqu'à mes 18 ans, donc collège et lycée. J'avais plein de potes noirs arabes. Et pourtant, j'avais aucune pensée raciste qui me venait comme ça de but en blanc. Et pourtant, on me tannait tout le temps avec le racisme, SOS raciste, touche pas à mon pote, mes couilles, hein. Donc franchement, de ça, de deux. Et donc du coup, à la rigueur, si quelqu'un voulait être antiraciste dans les années 30-40 et lutter contre des régimes racistes, style Hitler, Mussolini, je trouve ça super cohérent. Or, maintenant, en 2017, Des régimes racistes en Europe, je connais pas du tout. Merci à vous. On va donner la parole à Amélie. Je vais ajouter encore une fois une dernière chose, puisque ce qui a été dit, je vais revenir, c'est on parlait de antiracisme qui serait un peu dominé par les juifs, etc. Je tiens quand même à noter et à noter que aujourd'hui, donc, on a la MICRA qui a fait un travail depuis le sortir de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui qui a été massif. On a le MRAP, le CRAN, le VEPIR, etc. et un certain nombre d'associations, d'institutions, on va dire le Zoom, d'institutions antiracistes qui sont pas 100% libres, communautaires, juifs. Les motivations, elles s'ajoutent, elles se conjuguent. Par rapport à l'uniformisation des esprits, oui, l'aspect mercantile, il existe. Quand tu as un marché qui est plus uniformisé, tu as plus, on va dire, potentiel consommateur, ça c'est certain. Mais aussi, c'est surtout, moi, je pense, un niveau au-dessus, c'est le fait de d'effacer les liens sociaux naturels de la famille, par exemple. Et ça rend l'individu bien plus vulnérable par rapport à la force d'un État tyrannique, par exemple, un État mondial. Un individu seul, ça serait bien plus difficile pour lui s'il n'y avait pas des solidarités au niveau familial, tribal ou au niveau de la nation aussi. Donc c'est une stratégie qui l'un ne s'oppose pas à l'autre, ça se conjugue. Il y en a que, je sais pas, le mec qui possède Bouygues, ça l'intéresse de mettre en concurrence les travailleurs du monde. Il s'en fout. Peut-être qu'il s'en fout de l'aspect, on va dire, sacré de la famille. Mais il y a des gens peut-être au-dessus que pour eux, c'est le but. Le fait de concurrencer les travailleurs, ce n'est qu'une étape dans le projet du gouvernement mondial. Je pense que c'est ça. Ton ami, ensuite ce sera à toi. Et il y a, je crois, Véronique qui voulait s'exprimer ou pas? Non, je vous écoute, je viens d'arriver, donc je ne sais pas de quoi parler, je vous écoute. Merci, bienvenue à ta bonne nuit, alors. Relax aussi, ensuite. Okay. Donc lui... Relax, il a des problèmes depuis tout à l'heure, s'il veut parler, je vais bien lui laisser la parole. Merci, je vous remercie à toi, Relax. Avant de parler, je voudrais savoir si on m'entend très très bien, parce que depuis tout à l'heure, c'est vrai que je suis derrière. On t'entend mieux, On t'entend plus. Non mais ça va être vrai, Max, toi, il faut que t'achètes une connexion d'ici là. Tu vas m'en donner la wifi, mon ami. Retente après. Lui en attendant, et ensuite c'est pour. D'accord, ensuite le bourbon, vas-y. D'accord. Donc moi je voulais mettre de côté de l'historique, d'où est-ce que ça part, etc., pour parler de 2017. Et moi je remarque une chose, il y a certains blancs occidentaux que j'appellerais ethnomasochistes, soit par hypocrisie, soit par détestation de soi, qui parle de hommes blancs cisgenres avec des privilèges, etc., je sais plus celle qui a les cheveux courts, là, soit Clémentine Autain ou l'autre féministe aussi, qu'on dit par exemple à Sevran, il n'y avait aucun problème parce que ça concernait des minorités visibles, les gens de Libération qu'on dit qu'il fallait pas faire de textes d'harcèlement dans la rue parce que ça allait viser certaines populations, etc. Et puis il y a d'autres qui sont non-européens, du genre Rokhaya Diallo, qui a dit que la France n'est pas interchrétienne ni blanche, que ça c'était du passé, fallait oublier, etc. Et moi je remarque que c'est l'antiracisme est vraiment une guerre contre le blanc, soit pour le mettre à l'égalité, c'est-à-dire que... j'ai même vu une phrase la dernière fois, si par exemple pour un emploi il y a un immigré et un français de souche, il faut favoriser l'immigré. Là, en 2017, peut-être que l'antiracisme a eu une période, on va dire, légitime, quand dans les années 80, il y avait peut-être des Arabes qui se jetaient dans la Seine parce qu'ils étaient Arabes. De toute façon, frapper quelqu'un pour sa couleur de peau, c'est de la merde. S'il n'a rien fait, c'est vraiment de la merde d'attaquer quelqu'un pour ce qu'il est. Il n'a pas choisi d'être black, d'être arabe, ou d'être chinois, ou n'importe quoi. Mais j'ai remarqué, ni blanc d'ailleurs. Donc je remarque que là, actuellement, en 2017, que ce soit Boutelja, que ce soit le cran qui veut démonter Colbert parce qu'il a eu malheur d'écrire Le Col Noir, mais c'était en 1600, reprocher du racisme à des gens il y a 400 ans qui connaissaient même pas le mot, qui n'avaient pas le même cerveau que nous, je trouve ça absurde. S'attaquer à l'histoire, que ce soit pareil aux États-Unis avec vouloir démonter la statue du général Lee qui était contre l'esclavage en plus, c'est ça plus drôle, ils n'ont jamais ouvert un livre d'histoire, c'est ça le gauchiste. Donc voilà, je trouve que l'antiracisme ne devient même plus un combat légitime pour défendre des minorités, c'est vraiment une guerre contre le blanc qui existe, qui a trop de pouvoir, qui était là en premier, qui n'aurait pas dû. C'est vraiment une croisade contre le blanc en 2017. Merci. Je pense qu'on a dépassé l'historique, effectivement, qu'on va rester sur le présent. Et Ariane, si je veux parler. Historique ? Je sais plus qui disait qu'il n'y avait jamais eu de racisme en France. Moi je pense aussi quand même à être un pays un peu à la fin là-dedans. Parce que le racisme c'est né vers le 19e siècle, c'est une théorie scientifique, c'est une question de taxonomie en fait. Ce que je veux dire, c'est que le racisme en France, ça a été introduit par un homme qui s'appelle Paul Bert, qui était un radical socialiste, donc très anticlérical, comme le curé, qui était en politique, qui était aussi un scientifique qui a beaucoup fait avancer la science. Parfois, il n'y avait pas beaucoup de morale, donc il a même tué des gens dans ses expériences. C'est un autre sujet. Et c'est Paul Bert qui a introduit le racisme, qui l'a fait rentrer dans les manuels scolaires en France. Mais c'est un racisme des questions. Diapositive, c'est-à-dire c'est pas les races sont inférieures, il faut les exterminer, c'était les autres races sont inférieures, il faut les aider, et c'est l'idéologie qui a servi à justifier le colonialisme. Et c'est les gens de gauche, c'est la gauche, c'est les radicaux socialistes, c'est l'extrême gauche qui ont introduit le racisme, qui ont propagé dans la culture française. Ouais, merci pour la précision, effectivement, c'est moi qui disais. Que le racisme va parler du Moyen-Âge, et là, je considère qu'à partir du 19e siècle, on n'est plus vraiment dans la même France. Enfin, je ne sais pas si on peut convenir tous de ça, mais en tout cas, le Moyen-Âge, il n'y avait pas vraiment de jugement au niveau de la race, et là, on trouve plein d'écrits où on va avoir certaines admirations pour d'autres peuples, pour leurs qualités, leurs défauts, enfin bref. Des appréciations qui n'étaient pas seulement du fait de leur appartenance ethnique ou de leur race. Et ce qui conditionnait beaucoup plus les échanges à cette époque, c'était la religion, à mon sens. En tout cas, voilà, pour dépasser un peu le côté historique, etc., et revenir, comme disait les Bourbons en 2017, qu'est-ce que vous opposerez, justement, qu'est-ce que vous pensez, en fait, parce qu'il faut reprendre les arguments des antiracistes. Sinon, parce que là, comme Rap, tout à l'heure, vous voyez ce qui était un peu l'objectif, etc., mais c'est aussi de désamorcer un petit peu les arguments antiracistes qui, disons-nous, aujourd'hui, empêchent le débat, mettent des tabous sur tout, et rendent des choses un peu ridicules. Selon vous, qu'est-ce que vous répondrez aux antiracistes qui se diraient que le brassage ethnique, le brassage, le métissage, en fait, et c'est un phénomène naturel, en fait, c'est quelque chose qui a toujours eu lieu, et qui convient d'accepter, en fait, et que c'est le métissage ethno-culturel ou ethnique est quelque chose de tout à fait naturel, c'est lié au progrès normal de l'évolution normale. Justement, un truc tout simple. Alors, on a Arnaud, je crois. Ouais, voilà. Plus il y a d'antiracisme, plus il y a, en tout cas, de racisme, ça parle de la communautarisation. Il y a des trucs réservés aux Noirs, bientôt ça va être aux Maghrébins, aux Arabes, aux musulmans. Mais c'est qu'en fait, on ne peut pas effacer le réel. Et pour la question antiraciste, tout le monde, pareil, ok. Je pense qu'il y a un facteur monumental à prendre en compte, c'est le confort de vie. C'est-à-dire que tant que tu as de l'eau chaude, tu as de l'électricité, que tu arrives à peu près à survivre, dans des paramètres, on va dire, modernes, occidentaux, tu vois, ça va. Mais quand c'est plus le cas, c'est le nombre qui refait la force. C'est-à-dire que demain, il peut y avoir des Maghrébins, musulmans, qui sont pas du tout fanatisés et qui diront, là, on prend le dessus, bah, on va dominer et renverser les Noirs, les Blancs, etc. C'est ça qui gère le truc. C'est-à-dire que tant que tu as le confort de vie, ça se passe. Mais sinon, c'est pas possible. Merci. Qui était suivant? Moi, j'étais bien partant pour moi, pour mon problème. Mais je t'avoue que j'ai oublié ta question à la base. C'est-à-dire, la question c'était que répondre en fait aux antiracistes, l'argument antiraciste qui consiste à dire que le métissage ethno-culturel relève de quelque chose de naturel dans l'histoire, voilà, dans la mondialisation aujourd'hui, il est normal, il est logique, c'est le sens du progrès, de l'évolution, que les peuples de partout, la technologie hyper etc., eh bien se métissent, se brassent, se mélangent partout dans le monde. Voilà. Mais, ok, eh bien écoute, je te répondrai, si tu veux, par la parabole de Daniel Obono. Daniel Obono, si tu veux, tout le monde se rappelle, je suis sûr de rien apprendre à qui que ce soit à ce sujet, qu'elle avait à la fois, dans une émission à la Marmoille Q, sur je ne sais plus quelle antenne radio, elle avait à la fois défendu je ne sais plus quel groupe qui chantait une chanson qui s'appelait Nique la France, et à la fois était incapable de dire vive la France. Et je profite du fait de me trouver sur une antenne où il y a, enfin, qui est fortement liée à notre ami Depa, qui avait eu l'honnêteté intellectuelle d'inviter, puisqu'il invite tout le monde, un type qui s'appelait Gros Blanc. Et moi, je me suis demandé, en fait, si Daniel Obono aurait défendu la liberté d'expression de Gros-Blanc de dire, par exemple, « nique le Cameroun ». Gros-Blanc, c'est un rappeur identitaire français qui n'a jamais écrit ou chanté « nique le Cameroun », mais qui aurait pu le faire s'il avait eu l'esprit taquin et qu'il avait envie de prendre Daniel Obono à son propre jeu. Et la question que je me pose, en fait, vis-à-vis de Madame Bono ou de ce genre de questions qui vise à dire que des mouvements antiracistes qui sont quand même visiblement extrêmement orientés en termes de préférences identitaires, si tu veux, est-ce qu'ils seraient capables, ces mouvements-là, de défendre la liberté d'expression de blancs, de dire du mal de leur pays, et surtout, est-ce que ces gens qui ont une double nationalité, quand je dis ces gens, c'est les Français comme vous et moi, mais à la différence de Depa, qui a peut-être, je ne sais pas, Depa, je te pose la question, je crois t'avoir entendu dire que tu as la même double nationalité ou la même origine que notre ami Daniel. Qui a la différence donc de deux pas, qui ont fait leur choix et qui ont des positionnements extrêmement intellectuellement honnêtes à ce sujet, ont une préférence très prononcée envers un pays ou un autre. Est-ce que, par exemple, au Cameroun, je ne sais plus si deux pas et Obono sont camerounais ou pas, enfin, sont camerounais d'origine ou camerounais de double nationalité ou pas, est-ce qu'au Cameroun, il existe, comme en France, des Français blancs, aux yeux bleus, etc., qui sont députés du Cameroun et qui se permettent depuis le Cameroun de dire bah, « moi, je soutiens un artiste camerounais métissé qui a dit « nique le Cameroun ». Je crois que ça, c'est vraiment un phénomène qui n'existe pas. C'est un phénomène qui n'existe pas en Algérie, qui n'existe pas au Cameroun, qui n'existe pas au Japon, qui n'existe nulle part. Personnellement, en rap français, j'ai l'habitude d'entendre des gens niquer la France. En rap russe, ça c'est quelque chose qui n'existe pas. En rap japonais, non plus. Je pense que... Enfin, je ne sais pas si ma réponse a été véritablement pertinente par rapport à ce que tu viens de dire, mais je me permets, parce que bientôt j'aurai fini de vous dire ce que j'en pense, de rebondir sur ce qu'a dit notre ami Ahmed, qui parlait de la famille des Khmer Rouge et qui a attiré notre attention sur le fait que pour déstructurer une nation ou pour vaincre un peuple, il ne suffisait pas de détruire ses attaches culturelles, entre guillemets, ethniques ou raciales ou nationalistes, mais aussi de détruire son rapport à la famille. Je pense qu'il a tout à fait raison là-dessus, Ahmed, tu as tout à fait raison là-dessus, parce que quand on regarde, par exemple, l'histoire de ce qui s'est passé au Cambodge, avec les Khmer Rouges, avec l'Ankara, etc., c'est un régime dictatorial qui a décidé de détruire les liens entre les hommes et les femmes, entre les enfants et leurs parents, et que c'est la meilleure façon de détruire un individu et de le rendre perméable à une idéologie, à une dictature, à une oppression, c'est de le de séparer de ce qui lui est le plus tribalement propre et de ce à quoi il est le plus attaché. Un homme qui n'a pas de patrie, qui n'a pas de famille, qui n'a pas de culture, il est prêt à mourir pour rien et il n'est pas prêt à se défendre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, camarade. Pas, tu comptais réagir? Ouais, là, j'écoutais, c'est intéressant. Bah, moi, j'ai développé, c'est vrai, l'idée que, de toute façon, il me semblait clair qu'on ne pouvait avoir qu'une seule nationalité. C'est-à-dire, ça me paraît complètement évident. Après, on a des doubles cultures. Ça, c'est un autre aspect. Et on n'arrive pas souvent à différencier l'un et l'autre. C'est pour ça que moi, je dis toujours, j'ai deux cultures et une nationalité. Quand je dis deux cultures, parce que forcément, quand t'es métis, t'as deux apports culturels, pour le coup, qui sont à la fois, complètement différents dans mon cas, entre l'Afrique et l'Europe. Mais après, du point de vue de la nationalité, c'est-à-dire là où moi je vais appartenir, là où j'appartiens à la communauté française. J'ai aucun doute là-dessus, quoi. Et quand on va, pour ma part, Gabonais est une origine, un apport, on pourrait dire même, j'ai des apports de culture africaine, tout ce qu'on veut, etc., bien sûr, mais je suis vraiment de nationalité française. Et après, c'est choquant, évidemment, ici, dans cette idéologie, à échelle antiraciste, parce que les gens se définissent justement par les races. C'est ça toute l'hypocrisie. C'est que moi, ce qu'on va me reprocher en affirmant mon appartenance à la France, eh ben c'est qu'on va me rappeler à ma race. Donc ça veut dire les antiracistes, les premiers, parce qu'il suffit de voir la typologie des gens à chaque fois qui me font ce genre d'insultes, c'est toujours, faut être clair, c'est toujours soit des blancs gauchistes, soit des maghrébins, mais qui sont très alliés finalement, quoi. Et c'est toujours les mêmes profils qui viennent me rappeler à la race, en fait, en me disant que je serais justement traître à la race, etc., etc. Non, c'est une réalité, hein. il faut pas le nier. Alors pour revenir aussi sur ce qu'on disait sur l'institutionnalisation du racisme, donc l'antiracisme institutionnel auquel les antiracistes en fait opposent le racisme institutionnel. Qu'est-ce que vous, ça vous évoque le racisme institutionnel? Il y a des éléments de réponse déjà qui ont été évoqués, par moi compris, mais est-ce que selon vous, c'est quelque chose qui existe en France, le racisme institutionnel? Et parce que c'est un vrai cheval de bataille des antiracistes, en fait. Attends, à l'assaut, parce que j'ai peur d'avoir bien compris la question, parce que là, par exemple, avec l'atelier interdit, enfin, une partie des ateliers, en tout cas, pour être honnête, est interdite aux Blancs, et Jean-Michel Blanquer a porté plainte, non pas tellement, d'ailleurs, ce qui me déçoit, pour l'organisation des ateliers, mais parce qu'on a parlé de racisme d'État, de racisme systémique en France. C'est ça dont tu parles? Oui, peut-être. C'est vrai que là, un des arguments des antiracistes, c'est de dire qu'il existe un racisme organisé par l'État, un racisme institutionnel. Moi, ça va très loin. Ce que je vais répondre à ces gens-là, c'est que non seulement ça va très loin et c'est faux, et comme j'ai dit, l'une de mes premières prises de parole, c'est que la France est le pays le moins raciste du monde, qui accueille le plus d'étrangers, le plus d'éloignements, qui a réussi à les loger. On nous a ghettoisés, etc. Mais en attendant, c'est mieux de vivre dans un HLM que dans une maison en bouse au fin fond du Cameroun. Donc vous m'excuserez. Les HLM dont ils disent qu'on les a ghettoisés dans les années 60, quelqu'un de la campagne, il aurait tué pour habiter dedans, hein, parce qu'il y avait les toilettes à l'intérieur, il y avait le frigo, c'était le dernier cri, ce qu'ils appellent. Et c'est ces habitants qui sont dedans qui ont tout cassé, parce qu'au début, je suis désolé, il y avait des Portugais, des Espagnols, des Français. Et à partir d'une certaine dose d'immigration, je dirais pas laquelle, les Européens et les autres, même de cette culture-là, sont partis et les ont laissés dans leur caca. Donc moi, je dis juste une chose, non seulement il n'y a pas de racisme d'État, mais en plus, la France est le pays le moins raciste du monde et les Français sont les moins racistes du monde. Ce que le Français ne supporte pas, c'est ceux qui disent nique la France, qui arrachent des vieilles dames pour 50 euros sur 100 mètres sur un T-Max et qui est l'incivilité. Mais si tu te comportes comme un Français, le Français qui est là depuis 1000 ans, il n'en a rien à foutre de ta couleur de peau. Ce qu'il regarde, c'est comment tu agis. Et quand tu agis mal, bah, le Français, malheureusement, à force de 2, 3, 4 locataires qui foutent la merde, et bah, il refusera de louer à ces populations-là. Et c'est pour ça que les gens disent « Oui, mais attendez, mais quand t'es loin en France, t'as plus de mal à te loger, t'as plus de mal à trouver de boulot. » Bah, remettez-vous en question. Mais il n'y a pas de racisme d'État en France, c'est faux. Mais ces gens-là ne se remettent jamais en question, c'est toujours la faute du blanc, c'est toujours la cause du colonisateur, c'est toujours la faute de l'autre. C'est jamais la faute. Je suis sûr qu'on va creuser de plus en plus ces questions-là. Il y a un feu. Alors, comment s'appelle l'intervenant qui vient de parler? Louise de Bourbon. C'est Louis de Bourbon. Louis de Bourbon. Écoute, ce que tu as dit est tellement vrai que ça me donne envie de juste comparer, et mettre l'idée suivante. Est-ce que l'un d'entre vous voit une objection au fait qu'on aborde ensemble, vite fait, le thème du rap français tel qu'il s'exprime aujourd'hui? Pas d'objection particulière, Conrad, c'est juste, est-ce que tu peux encore juste garder un instant le sujet, il est hyper intéressant, et qu'on fait juste tourner la parole sur le sujet précédent, et on y revient tout de suite, ça te va? Problème. Ouais, ça m'intéresse en plus. On a trois là dessus, tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire que je suis assez d'accord à ce que dit Débat. Moi, le contexte de race, je n'aime pas tellement ce mot-là. Mais par contre, je pense plutôt à l'identité culturelle que les gens partagent tout au contexte de patriote de la chose. Bon, après, c'est vrai que quand tu vois Débat qui se fait insulter dans la rue, vraiment, bon, ce sort Pat and Bounty, moi je trouve ça peut-être un petit peu dégueulasse. C'est vraiment l'argument des personnes qui le traitent de vous dis, c'est peut-être plus raciste qu'autre chose pour moi. Ah, sur la sûr, c'est pas dans la rue qui va se faire insulter, c'est le genre de personne, c'est plutôt les trolls sur Internet. Hein. Mais quoi qu'il en soit, on comprend un peu ce que tu dis. Ouais. C'est la patrie, c'est une notion, effectivement. Il y a Ahmed, je crois, et divagation ensuite. Donc Ahmed. Ahmed, on t'entend pas. On t'entend pas, on va donner la parole à divagation en attendant. Alors, depuis tout à l'heure, on parle. Pourquoi on parle d'antiracisme, pourquoi on parle de racisme, c'est à aucun moment personne n'a évoqué le fait, le remplacement de la race blanche. Je vais juste prendre 30 secondes pour vous expliquer. Moi je suis né à Moscou, je suis arrivé en France à 6 ans, j'ai vécu dans des petits villages bretons, des moyennes villes bretonnes. Puis un jour j'ai déménagé sur Rennes et là, déjà quand je vivais à Morlaix, ça commençait à arriver. Sur Rennes, là, j'ai été choqué de tout ce que j'ai vu. Et actuellement, je vis sur Malte. Quand un groupe ethnique est homogène, ça se passe extrêmement bien. En France, s'il n'y avait que 5% d'immigrés, je ne suis même pas sûr qu'on serait là ce soir, un vendredi soir, à discuter de ça. Tout se passerait très bien. L'antiracisme est nécessaire parce que, appelons ça le grand remplacement, l'invasion, l'énorme immigration, enfin, appelez ça comme vous voulez, c'est peut-être parce que nous sommes submergés et que les personnes qui nous submergent, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même définition de la vie, on n'a pas la même définition d'amour, du couple, on n'a pas les mêmes aspirations dans la vie et que ces personnes qui sont beaucoup plus agressives et violentes que les Blancs qui vivent sur un territoire un peu sécularisé, malgré les guerres mondiales, malgré les guerres entre eux, et ben on est en plus de ça que le gauchisme a détruit notre culture, détruit nos traditions, détruit notre famille, on se retrouve confronté à un mur, on ne sait pas comment réagir. Alors on se retrouve là tous ensemble, l'antiracisme, mais je soutiens que si on n'avait pas autant d'immigrés, on ne parlerait même pas de notion de racisme ou même d'antiracisme, parce que le racisme, c'est quelque chose qui est naturel, il y en a toujours eu. Quelqu'un tout à l'heure disait que les Noirs, les djihad, les Yajos, les Américains, préféraient rester en France plutôt que retourner aux États-Unis. La France a toujours été terre d'accueil, mais là, il y en a beaucoup, beaucoup trop, et c'est pour ça que ça crée des problèmes, et c'est pour ça que nous tapons les discussions d'antiracisme ou de racisme. D'accord, mais merci, c'est important de préciser. 100% d'accord. Voilà, l'aspect démographique en fait. Oui. Il y a donc Ahmed rapidement, et ensuite on va repasser à Kamrad. Par rapport à ce que disait Louis, et maintenant c'est divagation, je suis assez d'accord. Surtout sur ce que disait Louis, le racisme institutionnel, il est dirigé envers les Blancs, et surtout le mâle blanc. Mais bon, les Blancs en général. Actuellement, dans le monde, on va dire, les moins racistes au monde, c'est les Occidentaux. Quand je dis les Occidentaux, je n'inclus pas vraiment l'Europe de l'Est, l'Europe centrale. Surtout l'Europe de l'Est, je n'inclus pas. Les Occidentaux, c'est les moins racistes actuellement. Mais je pense que ça a été... C'est un peu un effet boomerang. C'est le fait que les Occidentaux, ils n'étaient pas racistes. Il y a des responsables, on va dire, on va revenir à la Seconde Guerre mondiale, qui ont utilisé ça pour, bien avant même, on va dire, l'époque coloniale. Ils ont utilisé ce prétexte des races inférieures pour les civiliser, les élever à leur niveau et donc les coloniser. C'était une caution morale. La droite, elle ne voulait pas ça. C'était des gauchistes. Ça, tout le monde le sait actuellement, enfin. Dans les milieux dissidents et de ça. Donc, il y a eu un effet de boomerang avec la génération post-68 qui s'est sentie coupable. Je ne dis pas qu'elle l'était, elle s'est sentie, c'était son sentiment, coupable par rapport aux descendants des anciennes colonies. Et avec ça, il y a eu une autre culpabilité, celle du patriarcat envers les femmes. Et ces anciennes colonies et les femmes en Occident, les féministes en Occident, se sont trouvées un ennemi commun, le mâle blanc, et ben elles ont culpabilisé et des descendants des anciens colonisés, ils ont culpabilisé le mâle blanc qui, comme un con entre guillemets, s'est laissé faire. Voilà. Bien, merci Ahmed, bah, c'est bien, tu as soulevé le problème aussi évoqué plus tôt d'ethnomasochisme et également donc, de l'effet boomerang, comme tu l'appelles, donc c'est intéressant. Et là, donc, on va passer au côté donc, de l'influence culturelle, peut-être ce que Comrade voulait évoquer, enfin en tout cas par le biais de la culture de l'antiracisme, si je ne me trompe pas, donc Comrade à travers le rap, c'est ça? Ben, exactement, c'est ça. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Alors, je pense que je convoquerai certainement Topa à l'occasion du propos que j'ai envie de tenir. Moi, personnellement, bon, peut-être que personne ne me connaît ici, mais je suis comme Topa avant d'avoir mon activité sur YouTube, j'étais rappeur. Et j'étais aussi, je ne sais plus quel intervenant l'a dit, j'étais un bon gauchiste quand j'avais 20 ans, aujourd'hui j'en ai 37. Mon rapport au rap a véritablement évolué dans le sens où aujourd'hui dire que je suis rappeur c'est quelque chose qui me fait mal dans le sens où ce qui sort, ce qui est sorti, etc. Et ce que je constate c'est que aucun après te pas, si tu veux je vais te donner la parole et si tu veux bien me la rendre juste après tu me diras ce que tu en penses. Je pense que aucun rappeur blanc aujourd'hui aucun rappeur avec une propension à se déclarer comme étant un Français, quelqu'un qui aime la France, etc., ne pourrait se permettre d'avoir une approche de son rap, de ses paroles, inversement proportionnelle à ce qui se fait actuellement en termes de rap. C'est-à-dire que des Nick la France, je ne sais pas si vous connaissez le rappeur Caris qui dit « Laisse-moi foutre la merde et dépourailler sur les Ariens, etc. » ce genre de choses, c'est les choses. Enfin, mais j'ai pas les textes sous les yeux actuellement, mais si vous parcourez le rap français actuel, on a des gens qui s'appellent Kalash, qui s'appellent Caris, qui s'appellent Booba, qui se permettent des choses vis-à-vis du rap, qui seraient qualifiées directement par la bien-pensance médiatique d'appel à la haine raciale, si ce n'était pas des gens non blancs qui les prononçaient. Je ne sais pas ce que tu en penses, pas. Dis-moi, donne-moi ton avis. Bah écoute, moi sur ce sujet-là, je suis carrément 100% d'accord. D'autant plus que le rap, pour ma part, j'ai connu le rap depuis le début quasiment du rap arrivé en France, donc je peux vraiment reconstituer l'historique total, y compris des groupes, et que la majorité d'ailleurs que j'ai côtoyé et connu à un moment. Donc c'est-à-dire que le rap, ça a été le vecteur absolu de cette idéologie antiraciste. Du point de vue culturel, c'est celle qui a formaté les esprits, la jeunesse, en justement avec ce côté pervers qui est que au nom de l'exaltation de notre différence et de la victimisation perpétuelle, en plus de ça, il y avait évidemment le sujet de l'anti-France et de l'anti-blanc. Et tout ça, en plus, est arrivé progressivement, parce que ça a été rompu comme des tabous par tabous, tu vois, les uns après les autres. Et aujourd'hui, on est dans, voilà, je défoile sur les Ariens, tu vois, voilà, c'est l'aboutissement, tu vois, du processus. Et le rap a complètement été, alors ça, je confirme ce que dit Mathias Cardet dans son livre, c'est quelque chose qui a été volontairement apporté par les élites. La légende de c'est les mecs du ghetto qui ont ramené le rap en France, c'est absolument faux. Le rap a été ramené par des Laurence Touitou, des Jacques Lang, etc., des gens très très bien placés, qui ont tout fait avec Max Guazzini, Laurent Bounot, tous ces gens des médias, donc de la télé, etc., pour pousser et ramener le rap à ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire la musique quasiment numéro un des jeunes. Et en fait, le message, il est... Alors, il faut bien comprendre, moi, qui ai été rappeur, on va dire rappeur antiraciste, tout ce qu'on veut, tu n'es pas, c'est pas quelqu'un qui te souffle à l'oreille ce que tu dois dire. C'est que tu participes inconsciemment d'un mouvement, de toute façon, idéologique dans lequel on t'a conditionné. Et donc, tu recraches bêtement. Pour ma part, j'ai toujours eu un peu de recul pour au moins ne pas, je crois, dans aucun morceau de rap que j'ai fait en 15 ans de carrière, tu trouveras jamais un Nique la France, par exemple. Tu vois, parce que je trouvais ça tellement stupide déjà sur le principe, tu vois, déjà. Et donc les rappeurs ont participé, ils ont contribué, mais 100% à établir en France l'idéologie antiraciste. Et aujourd'hui, il y a très peu de rappeurs qui font ce mea culpa chez les anciens. Ils savent très bien ça, quand on parle, hein, oui, même parce qu'ils ont une double responsabilité. Non seulement ils ont entraîné les gens, voilà, alors, comme je le dis, hein, mea culpa, des fois inconsciemment, sur de toute façon l'idée d'engager antiraciste, et ils les ont entraînés en plus dans le kairaïsme, qui est en plus un prolongement de cet antiracisme dans l'action, puisque le kairaïsme, il vise aussi les blancs, tu vois. Ça aussi, c'est quelque chose avec les phrases, comme c'est Fiu à l'époque dans son morceau La vie qui va avec, quand il y a un blanc, il y a la Agra qui va avec. Voilà, les mecs, ceux qui connaissent le rap peuvent vous rappeler de ces rimes-là. Et ben, ça, c'est clair que ça ne peut pas se faire pour une autre communauté. Il n'y a pas d'autres communautés où on va se permettre de taper comme ça, tu vois, sur cette façon-là. Je ne vois pas un blanc faire un morceau en disant « Ouais, moi, quand je vois un noir, je sais pas, je lui éclate le nez, même un truc comme ça. » Enfin, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est impossible. Donc, c'est évident qu'il y a une putain d'hypocrisie. Et je rappelle même des groupes. À l'époque, je me rappelle très bien, par exemple, une anecdote. Avec un groupe qui s'appelait Afro Jazz, qui lui était un groupe un peu pro-noir, pro-black, qui revendiquait vraiment ça. D'ailleurs, il s'est fait beaucoup boycotter parce que ils affirmaient le rap était une musique de noir, et c'était marqué dans leur dossier de presse. Alors le problème, c'est que tous les programmateurs en France sont blancs, donc tu vois, les mecs qui reçoivent ça, bon, tu vois, hypocrisie totale. D'ailleurs, c'est des mecs de gauche d'ailleurs dans les maisons de disques, comme quoi. Et en fait, ce groupe là bon, bah, une fois, moi qui étais avec Diabu System, où le rappeur était blanc, Abus c'est un blanc. Mais Abus était un maître absolu de l'improvisation, il déboîtait tout le monde, et donc il est dans une émission de radio, il a fait un show de fou, et les mecs sont venus à la fin pour dire, bah putain, pour un blanc, t'es pas mauvais, parce que pour eux, un blanc, il s'est pas rappé, quoi, il te le disait clairement, quoi. Il y avait même des débats à Génération, le rap est une musique de noir, et les gens étaient complètement d'accord avec ça, quoi, en disant, en gros, d'ailleurs, les blancs n'ont rien à faire là, en fait, c'est parce que c'était ça aussi le sous-jacent. On peut prendre ça dans le foot avec les centres de formation pas réservés aux noirs, mais vu qu'on était ouais sur le physique et tout, bah malheureusement là on peut encore dire que les racistes, les noirs étaient favorisés, et c'est pour ça qu'on se trouve avec des équipes de France où il y a des plaques. Les rebeux ont refusé de chanter la Marseillaise, ils se sont fait dégager malheureusement pour eux, mais même dans le foot c'était genre limite, pour être bon au foot faut vous mettre bon. Ça va bien. Non, mais juste pour dire, même dans le foot, il y avait cette espèce d'image, le foot c'est un truc de blague et que les blancs sont nuls. Bon, maintenant on a des Griezmann et tout, mais il y a eu cette image-là aussi. C'est vrai, bah oui, c'est vrai. Donc, pour juste une petite précision avant que j'oublie, pardon. Je pense que là, on oublie un truc biologique. Le rap, je vais ramener ça à la biologie. Le rap, c'est le fait d'avoir de la répartie dans l'instant, être assez rapide. Je ne parle pas des textes écrits ou pas des battles, des origines du rap. Je ne suis pas expert, hein. Juste un avis profane. Mais c'est le fait que ben, l'ethnie noire, c'est-à-dire l'ethnie qui est dans une profusion alimentaire, mais avec une certaine sélection par rapport au fait d'être assez rapide dans ses réactions, être surtout dans l'instant présent, avoir peu, c'est pas être moins dans la projection du futur. J'aime bien de la vie, mais c'est pas, il y a pas que lui qui en parle, il y a Jordan Peterson et Anthony Christian, il y en a d'autres. Mais bon, le noir, il pas le noir, l'être l'individu qui a évolué dans cet environnement qui est noir, qui est plus dans l'instant présent, donc il est plus dans la répartie, et là, plus de facilité. Ça ne veut pas dire que le blanc, il ne peut pas faire ça. Le noir, il a plus de prédisposition à ça. C'est pour ça que quand tu décris un trait génétique qui perdure dans la réalité, il faut toujours le rapporter à pourquoi il a perduré. À pourquoi? Pourquoi il a perduré? Parce que ça a eu une utilité dans la survie de la communauté. Moi, c'est la règle de base. Vas-y, camarade, sur le rap, tu voulais dire un truc? Attends, je voulais pas couper la parole à Ahmed non plus. Hein. Non, mais c'est ça. Non, c'est bon. Ce qui soulevait, voilà, c'est mettre en lien le biologie et le rap, pourquoi pas, d'accord. Écoute, tout à l'heure, tu as dit un truc, tu m'as précisé que jamais dans un de tes textes on avait entendu quoi que ce soit du genre nique la France ou quoi, enfin voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Personnellement, j'en ai jamais douté. J'ai eu l'occasion d'écouter plusieurs de tes morceaux, même les morceaux où, comment dire, tu sais que quand tu fais une vidéo sur YouTube, tu as pas mal de gens qui te suivent et qui sont le genre de personnes qui sont capables de dire « Ah oui, tu n'as pas fait l'apologie du métissage, etc. » Bon, moi, j'ai écouté le morceau que tu as passé à l'occasion du dernier live et honnêtement, ouais, tu fais peut-être l'apologie du métissage, mais tu fais l'apologie du métissage d'un mec qui est un mec métissé qui aime la France, qui aime le pays où il est. Juste un truc, excuse-moi, juste rajouter un truc par rapport à tes pas. Tu sais, je suis pas du tout rap, mais je me souviens du clip de MC Jean Gabin, Je t'emmerde, et lui qui était d'origine africaine. Pareil, comme tu as dit, je l'ai jamais vu, jamais entendu dire « je nique la France ». Il n'y a peut-être pas une question de génération là-dedans, justement. Ça, c'est intéressant, ça. Vas-y, comme radio. Ah, vas-y, t'as pas. Je pense une question. Celui qui veut s'exprimer, s'exprime. Ah non, je disais juste, en fait, moi qui suis pas du tout rap et tout, j'avais bien aimé le clip justement de Jean Gabin, Je t'emmerde et tout, et j'ai regardé plein de ses interviews, et lui qui est d'origine africaine justement, et pourtant, comme j'ai dit, je suis pas du tout rap, j'ai regardé plein de ses clips, j'ai écouté de ses chansons, à aucun moment il dit « nique la France » comme tu l'as dit, est-ce que c'est pas une question de génération justement? Enfin, je vais pas te couper la parole, j'ai entendu parler il y a pas longtemps, même si Jean Gabin, c'est plutôt, enfin, parce que j'étais à Carignan, tu le connaissais il y a pas longtemps, et c'est plutôt un mec qui aime bien son quartier, qui aime bien les gens, en fait, il a un esprit de quartier, le gars, et c'est plutôt une histoire d'appartenance, tu vois, lui, il appartient à son quartier, peu importe, t'es blond, machin, enfin, tout ça, lui, ça, il s'en fout, c'est pas son problème, en fait, c'est plutôt une histoire de famille, lui, pour le coup, sa famille, c'est son quartier. Donc peu importe en fait l'histoire de provenance quoi. Et justement, t'es pas, j'aimerais avoir ta réponse, t'en penses. Bah moi je suis assez d'accord qu'il y a une question de génération, c'est pour ça que je parlais d'un glissement entre évidemment je veux dire même un regard à l'époque d'un NTM, voilà, parmi les premiers groupes de rap, ça va être du Nick La Police, etc., où on était vraiment un truc sur les institutions, l'État, mais il n'y avait pas encore franchi, d'ailleurs même Joey Star, j'ai lu dans une interview il n'y a pas longtemps, qui disait « ouais, je n'écrirai plus ce genre de morceaux aujourd'hui », tu vois, comme quoi. Et le fait, c'est qu'on a glissé petit à petit. On a glissé, tu vois, du discours, et du Nick l'État, c'est devenu Nick la France, et nique la France est devenu ouvertement nique les blancs, tu vois, c'est clair et net. Et c'est admis, parce que même les blancs dans le rap, si tu veux, ils se s'acculturisent pour certains. Moi, je me rappelle de mon expérience, tous les blancs que j'ai rencontrés dans le rap, systématiquement, ils me disaient qu'ils n'étaient pas français. Alors ils se raccordaient toujours à soit une origine régionale ou alors des origines extra-européennes, genre italien, espagnol, etc. Mais il y avait ce truc, tu vois, de refuser d'être français, quoi. C'est incroyable. Donc c'est bien le bêtement. C'est comme la question avec un étranger, toute l'équipe. C'est le côté français. D'ailleurs, c'est intéressant, France ça veut dire libre. Alors, comment tu veux peut-être finir? Et je veux enfin, finir. Non, pardonne-moi, je sais pas, peut-être que tout le monde a envie d'en finir avec ce débat. Non, pas du tout. Moi, je voulais réagir après aussi. thématique du rap. Il me semble que tout à l'heure, j'ai entendu Teba dire que on avait plus ou moins, enfin, je résume, hein, plus ou moins enfermé le rap français dans une optique gangstériste, etc. Il me semble, peut-être que j'extrapole, mais moi, personnellement, je suis, comme Teba, quelqu'un qui vient de plus ou moins de loin. Aujourd'hui, j'ai 37 ans, et j'ai écouté du rap américain. Aujourd'hui, l'analyse que j'en fais, c'est de me poser la question de pourquoi et comment il est possible qu'on ait autorisé aux États-Unis, alors que la guerre faisait rage entre les Bloods et les Crips, et que les gens se tiraient dessus, ils faisaient des 187, en voiture ils se tiraient dessus avec des Uzi, etc. Comment on a autorisé, comment il n'y a pas eu une instance aux États-Unis qui a réussi à censurer, à interdire le fait que des gens glorifient et starifient le fait de tirer sur d'autres noirs sur le simple fait qu'ils appartenaient à un autre gang. Ça me semble incroyable. Et aujourd'hui en France, on est sur un système, enfin bordel. Je ne sais plus qui avait dit des choses comparables, enfin assimilables aux propos que je suis en train de tenir dans le débat, parce que je me sens qu'on est nombreux, mais on a aujourd'hui des clips de rap français où vous voyez vraiment des gangs de rappeurs cagoulés avec des armes, avec des bâtons, avec des battes, avec des couteaux, etc., qui posent derrière des rappeurs, qui bloquent des autoroutes, etc., en expliquant plus ou moins que la France, ils vont la signer, ils vont la baiser, etc. Moi, j'ai plus ou moins envie de dire à ces rappeurs qui, quand ils finissent par sortir un album où ils ont ce genre de morceaux sur la playlist, et qui en plus, à côté de ça, ont pour faire bonne figure une chanson en disant « Ouais, maman, je t'aime », etc. Ou « Oui, oulala, on est victime du racisme, de ce méchant pays, la France, etc. » parce qu'on ne trouve pas de boulot. Mais bon Dieu, les gars, réveillez-vous. Est-ce que vous ne pensez pas que les clips que vous faites, où vous avez des copains derrière vous qui sont 90 et qui ont des machettes, qui présentent des Kalachnikovs, qu'elles soient factices ou qu'elles soient réelles, est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait, vous baissez la France et qu'en fait, vous baissez aussi votre putain de quartier? Parce que vous êtes en train de me dire que la France, elle vous porte préjudice, mais est-ce que ce n'est pas vous qui portez préjudice à votre quartier? Est-ce que ce n'est pas à cause de vous que les gens, le 93-1, le 93-9-3, etc., est-ce que vous ne pensez pas que, à force de faire des raves où vous expliquez que le 9-3 est le synonyme d'un putain de coupe-gorge, est-ce que vous pensez que c'est pas votre faute si les plus doués d'entre vous et les plus doués d'entre vous que vous auriez pu devenir si vous n'étiez pas tombé dans ce putain de travers qu'a autorisé le rap français avec l'accord des Jacques Lang, etc., des putains de bobos socialistes qui vous ont encouragé à rester ce que vous aviez souhaité être et à devenir ce que vous avez fini par devenir, je veux dire des calaches, mais regardez-moi ce bordel, quoi, des mecs qui se prennent pour des guérilleros africains, là où on croit. Ouais, c'est même pas des guerriers. C'est les idiotes du système, ces gens-là. Alors attends, vous êtes vous-même le véritable vecteur de la stigmatisation de vos quartiers, quoi. Exactement. Et justement, ce que je voulais, alors là aussi, juste avant qu'à l'assaut, je t'intervienne, mais je voulais juste dire un truc par rapport à ce que tu viens de dire, qui est super intéressant, parce que la caïra culture qui va avec, qui accompagne le rap, elle a été portée au rang, justement, de culture pour ces gens-là. Et moi, comment je l'observe, puisqu'on imagine bien le machiavélisme quand même de l'ingénierie qui est derrière, c'est que les gens qui portent cette carrière à culture et qui mettent cette médiocrité comme ça à la une et qui, tu vois, qu'on met sur un piédestal, justement, le mauvais, le pourri, celui qui travaille bien à l'école, on le traite de bouffon, etc., eh bien, ces gens-là, c'est pour les maintenir, pour moi, justement, dans leur état de prolétariat, de nouveau prolétariat. Et ils ne connaîtront jamais l'ascension sociale. Encore pire, c'est pour vraiment les maintenir dans leurs conditions. Et ils n'ont même pas conscience d'être justement, entre guillemets, comme les acteurs guignols qui endorment leurs propres frères. Tu vois, la fameuse phrase de Bossuet, quoi. Hein, Dieu se rit de ceux qui maudissent les causes pour lesquelles ils chérissent, quoi. Enfin, ouais. Mais c'est exactement ça. Les faits dont ils déplorent les causes. Mais tu vois, voilà. C'est exactement ce que je voulais dire et je me perds un petit peu, quoi. Mais c'est tout à fait ça. Alors je voulais réagir avant de donner. Personnellement, sans vouloir faire le complotiste, je me dis que si ce phénomène, quelque part, tu as peut-être connu ça de l'époque où les Bloods et les Crips sortaient des albums les uns contre les autres, à un moment ou à un autre, il faut se demander mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Est-ce que c'est pas pour être sûr d'avoir une population dans les ghettos noirs des États-Unis et finalement en France, de gens dont la musique qu'ils écoutent tous les jours les prédestine à être à la fois des prostituées pour les femmes, des cas sociaux pour le tout venant et finalement du gibier de chaises électriques et de prison pour tout le reste, quoi. Si je peux, si vous me permettez donc de réagir avant de donner la parole à Randall, je crois aussi qu'il voulait parler. D'abord, dans un premier temps, pour dire que comme Raz, ce que tu dis, je suis entièrement d'accord sur le constat et les conséquences, entièrement d'accord. Et ce que tu évoques, ça m'amène en fait à penser, il faut surtout pas nier ce que Topa appelle l'ingénierie sociale qui a eu derrière en amont. Et qui est extrêmement bien décrite par notamment Mathias Cardet dans son ouvrage sur le rap, les croyants un peu sur du rap, où je donne un exemple qui va dans ton sens, camarade, c'est qu'à la fois on avait des super producteurs, des super majors, etc., des gens qui avaient un investissement énorme dans ce qu'on appelle le rap gangster, donc je fais référence au Bloods, au Crit, etc., donc c'est dans cette veine, et alors en même temps ils finançaient à mort le rap, et en même temps ils avaient des investissements dans les prisons privées, donc, ce qui fait que ça faisait un espèce de cercle, un cycle où donc ça faisait la promotion de l'attitude gangster, de la violence, etc., et derrière les prisonniers retombaient chez eux dans les prisons dans lesquelles ils avaient investi. Donc c'est juste un petit exemple pour concrétiser un petit peu cette idée, mais à côté de ça, pour remettre en lien avec l'antiracisme, pour aller au-delà aussi un petit peu du rap, je crois que certains sont d'accord, c'est pas limité au rap. J'entends Tepa qui disait que c'était un vecteur absolu évidemment de l'antiracisme, mais c'est loin d'être le seul. C'est-à-dire qu'en parallèle, il y a aussi énormément dans le cinéma. Je ne sais pas si vous avez vu ce que c'est que le cinéma français, les comédies françaises de ces quelques dernières années. Oh, et ça apparaît, voilà. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi énormément à travers le stand-up, vous savez, l'humour sur scène. Tout ce qui est Jamel Comedy Club, etc., ça a aussi un impact énorme hein, sur la jeunesse. Et moi, ce que ça m'amène à dire, c'est qu'à la fois le rap, ce type de cinéma, ce type d'humoriste, en fait, ils amènent à de la communautarisation aussi, pas seulement à de la violence. Et donc, effectivement, comme Raz, je partage entièrement ton avis sur l'image qui est renvoyée par ces gens, les partisans de ce mode de vie-là, ou de ce mode d'expression-là. Mais aussi, ça les renvoie à la communautarisation. Et aux États-Unis aussi, on a profité de leur communautarisation. Il y a une volonté, et c'est donc une volonté qui montre qu'on est dans l'uniformisation à la fois, mais dans la communautarisation. Et on cherche à voir. Ben après, ça peut être extrapolé même au niveau supranational, européen, etc., où on voit qu'il y a eu un dessin, il y a un agenda, je dirais, de, à la fois de communautarisation, de destruction des nations, de morcellement, voilà le mot juste, de morcellement des nations, et au niveau local, bah, ça va passer par la communautarisation avec les minorités au sein même d'une nation, et donc tout ça c'est lié, donc il y a à mettre en lien avec l'antiracisme, mais il n'y a pas que le rap, il y a aussi d'autres biais culturels qui ont largement favorisé l'antiracisme et la communautarisation. Bien sûr, non mais ça, 100% d'accord, et en plus, je rajouterais, je pense que tu vois, ça s'adresse même plus aux mêmes populations en fait, que le cinéma, lui, dans sa vocation justement de nous imposer l'idéologie, il s'adresse, ben voilà, on va prendre du Christian Clavier avec tous ces machins, du Jamel Debbouze et compagnie, quoi. Mais c'est la même, effectivement, le même objectif qui est poursuivi, quoi. Mais c'est pour dire, voilà. Le rap, c'est une composante, tu vois, comme on a, voilà. Comme on a chassé une composante. Mais qu'un fou, Besson avec son taxi, le petit rebut de cité sympa. Ouais, bah oui, ouais. Bah, Ah ouais, complètement, ouais. Complètement. Pour dire que ça émane quand même d'une espèce de volonté politique. Il ne s'agit pas de nier ou de minimiser plutôt. C'est-à-dire que ça émane vraiment en amont d'une forme de volonté destructrice. Bon, je ne sais pas qui disait que le plan Kalergi, c'était la merde, des choses comme ça, mais il est quand même forcé de reconnaître que les personnes comme George Soros, etc., tu vois, les mouvements qui financent à travers le monde, George Soros qui disait qu'il fallait une classe ouvrière Rome en Europe, ou qui finance les mouvements Black Lives Matter, de par le monde d'ailleurs, parce que ça arrive en France aussi. Bah, tout ça participe de la communautarisation à outrance, et puis évidemment ça donne voilà, du racisme en disant. Et puisqu'on est dans les suppositions, je rajouterais les suppositions avec le rap et l'immigration, ce qui est intéressant en plus. Donc si on observe en Europe les pays les plus entre guillemets développés au niveau du rap, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suède, la Hollande. Comme par hasard, des pays de supra-forte immigration. Alors même que le rap italien-espagnol, lui, n'est pas très développé, enfin beaucoup moins que dans ces autres pays. Et pourquoi ? Pour cause, ce sont des pays qui ont connu de l'immigration très tardive, hein, comparé aux pays d'avant. Quoi, parce que des... Effectivement, et ben, je rebondis là-dessus pour dire que là, dernièrement, il y a des articles qui étaient parus sur le rap immigré en Italie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de rappeurs d'origine immigrée, descendants d'immigrés, disons. Ben voilà, tu sais, comme il y a eu en France, voilà, qui font part de leur expérience de victimes, etc., de victimisation, etc., et bien ça arrive en Italie, et visiblement, ça fait un peu polémique, en fait. En Italie, je partagerai éventuellement les articles avec ceux qui le souhaitent, mais c'est vrai, comme tu dis, c'est arrivé beaucoup plus tard, et donc c'est pas du tout la même expérience qu'on a eue dans les pays aujourd'hui sur lesquels on force le plus le multiculturalisme. Bah là, il y a Violette qui dit dans le vocal « L'humour est une arme de propagande avec les films, les séries, les clips. » Elle a 100% raison. Et il y en a qui disaient « Un dessin vaut mille mots. » C'était pour ça que Charlie Hebdo s'est fait massacrer d'ailleurs par les islamistes. Et puis, on ne s'en rend pas compte parce que c'est insidieux, mais par des petits films, Clavier avec son truc, mes trois filles, elles sont mariées avec un black, un chinois, et puis un je ne sais plus trop quoi, et puis tout va bien. Et puis, dans le film, il soude la gueule du blanc parce que c'est plus maigre et que le black est musclé, il est tatoué. Ça passe dans les têtes de chacun et ça sera fini par rentrer insidieusement. Et puis les petits clips de rap, et puis les petites blagues de Jamel Comedy Club, et puis voilà. Et au final, ça te fait un gloubi-goulba et ça rentre dans le cerveau d'un maximum de personnes. Mais ça se limite pas au rap, hein, mais aussi par exemple les Kids United qui font propagande pro-métissage, pro-multiculturalisme, machin. Ils utilisent des enfants, les enfants ils savent même pas, ils se rendent même pas compte qu'ils sont une arme de propagande, et c'est des clips destinés aussi aux enfants, qu'ils apprennent à chanter ça dans les écoles. Ça touche vraiment toutes les cultures, tous les médias, tous les styles de musique. Ça vaut vraiment pas grand chose. Mais on l'apprend à nos enfants quand même. Ma gamine, elle a appris une. Sont des chansons africaines, la mamie, la maman va casser, ou je sais pas quoi, peu importe, c'est très bien, mais à un moment ou à un autre, mon fils, qui a 5 ans de moins que ma fille, a appris exactement les mêmes poèmes d'Aimé Césaire et a appris les mêmes chansons africaines. Comment ça se fait? Est-ce que quelqu'un ici est capable de me certifier qu'en Afrique, des poèmes français et des poésies aussi nulles d'ailleurs en français et est capable derrière de me certifier que nous sommes un putain de pays raciste? Je suis pas sûr. Moi quand j'étais gosse en maternelle on m'apprenait Vive le vent etc, mais je traîne beaucoup sur Twitter et par exemple j'ai vu la dernière fois dans un cahier de SVT pour 5e l'image de gauche, c'était François, 12 ans, c'est un gros porc qui reste à la maison, qui mange des chips. Et à côté, t'avais le petit Mehdi qui était en pleine forme sur son skateboard, qui mangeait sainement, etc. Et tout ça, c'est une bonne petite image mentale, tu vois. Et on apprend des petites chansons en arabe, parce que l'islam, c'est cool. Et puis plein de choses comme ça. Et au final, à force d'empiler, et ben, non seulement l'antiracisme va bouffer tout le monde en... Et au final, c'est même plus de l'antiracisme, c'est comme il disait, c'est le blanc est vraiment la pire bête de l'humanité, il faut s'en débarrasser. Et les blancs eux-mêmes, qui auront vécu ça à l'école, même eux, voudront se suicider littéralement, parce qu'ils n'ont pas envie d'exister. La dernière fois, j'ai vu une américaine, elle a dit « Quand je vois ma peau blanche, j'ai envie de l'enlever au ciseau, etc., parce qu'elle me dégoûte et tout, ça va jusqu'à là, quoi. C'est pire en pire. » C'est vraiment la détestation de soi poussée au maximum. On m'a dit vraiment si on des agneaux. Tu as raison à ce sujet, moi j'ai vu des un petit blanc qui était en train de gueuler contre un électeur de Trump en lui gueulant à la face "Your white privilege male cisgender privilege", je sais pas quoi. Enfin, il est en train de lui dire "tu es un sale putain de mâle blanc privilégié". Et le mec était tellement conforté par le paradigme général dans lequel il vit, qu'il était en train de dire lui qui vraiment ne ressemblait à rien, il faut dire la vérité, c'est-à-dire que c'est un type anti-conflit physique, que n'importe lequel d'entre nous, il parie 1000 dollars sur l'autre plutôt que sur lui. Et il lui dit, je suis contre l'avortement, mais lui aurait dû être avorté, hein. Ça aurait fait de la sélection naturelle. C'est-à-dire qu'on avait affaire à un blanc. C'était un autre blanc de sale mâle blanc privilégié. Enfin, on est arrivé à un degré de détestation que vous ne trouverez jamais dans aucun pays d'Afrique. Oui, excusez-moi, je vous dis juste bonne nuit et puis à la prochaine. Bonne nuit, mec. Bien d'accord avec Cameron, en tout cas, ce que tu dis. Donc, pour continuer, il y avait la question évoquée du communautarisme. Et pour relancer un peu tout le monde et ceux qui souhaitent s'exprimer, est-ce que vous pensez qu'on peut être communautariste sans être raciste? Et je mets cette question en fait en lien, c'est-à-dire est-ce qu'on peut en fait défendre sa communauté sans être forcément raciste? Et je mets ça en lien avec le fait qu'aujourd'hui, les principaux tenants de l'antiracisme institutionnel, pour le comme ça, eux vont finalement créer du communautarisme. Alors, à dessein ou pas, est-ce qu'ils veulent faire que la France devienne une espèce de pays à l'anglo-saxonne ou de multiculturel où chacun vit dans sa communauté, etc. En tout cas, ils mettent l'accent sur leur communauté et tout en se prévalant de la République française et de la France, etc., qui ne reconnaît aucune communauté, etc. Donc, il y a ces deux questions en une, en fait. C'est la question du communautarisme et du racisme mis en lien, et également la question de l'hypocrisie des antiracistes donc qui prônent finalement à dessein ou pas le communautarisme tout en se prévalant des idées voilà, de la révolution, enfin bref de la république qui ne reconnaissent pas de communauté autre que la communauté nationale. Donc c'est un peu deux sujets. Je vais essayer de te répondre à l'assaut. J'essaie de faire très vite. En fait, parce que moi, je suis allé en Angleterre, mais je vais pas te mentir, je suis resté que 5 jours. Mais je connais des amis qui ont bossé. Donc certes, y en a beaucoup qui se branlent dessus. Mais regardez, en Angleterre, les femmes voilées peuvent être policiers, personne les emmerde. Là-bas, c'est la tolérance. Et puis, on ne juge pas sur ton apparence, etc. D'accord. Sauf que mon ami m'a dit... un Pakistanais, il se marie avec une Pakistanaise et il n'a pas d'amis anglais de souche. Donc oui, au boulot, c'est ensemble, mais une fois sorti du boulot, au pub, c'est anglais avec anglais, pakistanais avec pakistanais, irakien avec irakien, il n'y a pas de mélange. C'est des communautés qui vivent les unes à côté des autres. En France, s'ils veulent prendre ce chemin-là, ça va être difficile parce qu'on a tout le truc, la République une et indivisible, pas de communauté. Mais moi, je pense qu'il veut essayer de faire un truc à l'anglo-saxon. De toute façon, toutes ces théories-là d'ateliers non mixtes et tout, ça vient des États-Unis. Et on a bien vu dans les campus, avec des élèves noirs qui disent « on veut pas que des blancs nous enseignent, parce que voilà, c'est la colonisation, on en a marre. On veut plus apprendre Newton parce que c'est un blanc, nous on va apprendre le spiritisme africain, nous aussi on a une science africaine, etc. » Et s'il veut en venir à là, franchement, moi, je me barrais de la France, parce que... Voilà. Et en plus, le pire, c'est que je vous dis ça, je suis même pas républicain. Moi, à la base, je préfère la monarchie, mais je suis né dans la République. Et puis moi, j'aime bien ce concept de là, de la France est une nation indivisible et il n'y a pas de communauté. Moi, je m'en fous que tu sois black ou blanc ou jaune, tant que tu parles la même langue que moi et que tu te comportes comme un Français, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Bah, c'est bien parce qu'en plus, il y aura un gros souci et moi, je ne me reconnaîtrai plus dans ce pays-là. Ouais. Je suis désolé. On va faire tourner, mais c'est bien parce que tu as aussi ramené le sujet de l'importation. Des méthodes américaines, etc. Le truc de l'ingénierie sociale, etc. Alors, moi, je vais juste dire un petit truc. Je vais juste demander parce que je suis bien d'accord avec ce qu'il dit, Loris. Mais 100% quoi, sur l'importation de ça, et ça va tellement loin ce truc-là, enfin moi je sais pas ce que vous en pensez, mais quand je vois aujourd'hui par exemple la communauté noire en France, elle a complètement adopté, elle a ingéré tous les codes de la communauté noire américaine, elle a presque transposé son passé en adoptant en fait l'historique américain de l'esclavage, de la ségrégation, etc., qu'elle reporte en fait sur elle-même en Europe, alors que la situation n'a rien à voir. Et les Noirs deviennent, si tu veux, communautarisés sur ce modèle américain qui a été importé et qui, bon voilà, le rap est un des véhicules, mais pas le seul, mais aujourd'hui qui est vraiment implanté à grande vitesse. Et en plus de ça, moi je dis que quand j'ai vu la conférence de Macron en Afrique, et ben ça traduisait que justement ces idées-là, elles avancent à fond la caisse en Afrique, mais à vitesse grand V, grand V. Ah, je crois qu'il y a l'historien, et après comme rappel. Ouais, bah, vite fait, hein, c'était juste, je suis assez d'accord sur ce qu'a dit Louis de Bourbon. Moi, je vais aller encore plus loin, hein, c'est que, par rapport à la République et tout, bah, c'est, quelque part, c'est, après, je vais faire une digression, enfin, le remplacement de la population, on va dire, pas de la culture française, elle a commencé après la Révolution française. Donc après, on a une filiation. Jusqu'à après la Troisième République et tout ça, et maintenant tous les trucs antiracistes, c'est de l'impérialisme américain, totalement. C'est le nivellement de la culture McDonald's, moi j'appelle ça la culture Coca-Cola et McDo, tout simplement. Mais malheureusement, c'est vrai que si ça arrive en Afrique, comme dit Depa, c'est très grave, parce qu'en Afrique, eux, ils ont une vraie culture, ils ont une culture, tous les pays, toutes les ethnies, que ce soit les. Et moi je connais mon expérience les camerounaise, les massages, le rondo, tout ça, si ça commence à arriver dans les pays africains, c'est du n'importe quoi, parce que les Noirs américains, ils ont leur propre histoire, certes, l'esclavage et tout ça, mais c'est pas la même, on peut pas transposer, même pour les Noirs en France, puisque les Noirs en France, c'est un mélange de tout, il n'y a pas de communauté noire en plus. C'est des conneries, puisque les Africains se tirent dans les pattes avec les Antillais. Donc, il n'y a pas vraiment de communauté noire en France. C'est une petite élite, comme l'élite juive qui est censée représenter la communauté juive. Et pareil pour les musulmans, qui ne représentent que dalle, et les LGBT, qui ne représentent aucun homosexuel. C'est exactement la même chose. C'est le règne des minorités qui croient parler pour les autres et qui ne représentent qu'eux-mêmes. C'est tout simplement ça, mais qui veulent l'appliquer à qui? Bah, aux blancs, et après aux autres populations qui sont aussi dans le, comment dire, qui ont adopté la culture française, et qui sont, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, arabes, moi je m'en branle, hein, comme dit pour vous, mais qui se sont assimilés, et bah, ces gens-là, on veut leur faire payer, les blancs et tous les autres qui sont ensemble, bah, on veut leur faire payer, qu'ils soient trop blancs, et que ça doit se terminer, comme dit Rokia Diallo, pourquoi il n'y a pas de femmes voilées aux 20h de France 2? Mais c'est n'importe quoi. Est-ce qu'il y aurait une femme qui présenterait le journal, une femme blanche au Cameroun avec, généralement par un plein musulman? Non, il n'y en aurait pas. Dans un pays musulman, il n'y aurait pas une femme avec une croix qui présenterait le journal. Moi, je trouve que chaque culture, chaque pays doit garder ses cultures. C'est uniformisation. C'est du n'importe quoi. C'est comme dit, enfin, c'est Pierre Hilar en parle, la Bouzid en parle, c'est très grave, quoi. C'est très grave. Alors, je ne suis pas pessimiste, parce que je suis chrétien, je suis catholique, je suis royaliste, donc je me dis, la France a connu des heures plus sombres, et elle va se relever, mais ça va être dur. Ouais, bon, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ça, c'est vrai que, de toute façon, au niveau français, on essaie de nous imposer à fond la culture anglo-américaine, et ça, c'est vraiment quelque chose qui... On essaie vraiment de détruire, de toute façon, la culture européenne, de détruire, de l'imposer, ouais, de détruire un petit peu le fondement, ce qui a fait le ciment culturel de notre société. Il y a pas mal de parts, mais... Ouais, j'essaie de reprendre mes marques, parce que, bon, on a parlé dans cette chose. On parle beaucoup de communautarisme. C'est vrai. Je remonte un petit peu le fil de ma pensée par rapport au fait que, au tout départ, j'avais parlé du fait que il y avait une espèce de d'uniformisation du besoin qui était, comment dire, implicite. Des gens comme Jacques Attali nous parlaient de métissage, etc. Et un intervenant m'avait fait remarquer à juste titre que c'était quelque chose qui ne concernait les pays occidentaux. C'est-à-dire que cette espèce de concept du métissage obligatoire ne concernait que les pays occidentaux. Okay. On ne peut pas considérer qu'il y a quelque chose de tout à fait stratégique dans cette spécificité de la préconisation du métissage pour ces populations précises. Oui, je pense qu'il y en a eu, dans le sens où, si vous êtes les États-Unis, si vous êtes une puissance, je ne veux pas jeter l'opprobre sur les États-Unis, mais si vous êtes une multinationale et que vous avez envie de miser votre clientèle à longue échéance, est-ce que la cible privilégiée ne doit pas être l'Europe? Appelez ça comme vous voulez. Parce que, si vous voulez, l'Europe, malgré le malgré bon, ce qu'on peut en penser, n'est pas une espèce de moteur et influenceur du monde entier. Je suppose qu'on peut prétendre que influence le monde entier et que le monde occidental dans sa globalité peut aussi entrer dans cette perception de l'influence qu'on peut faire sur le monde entier. Bref, est-ce qu'à très longue échéance, on ne peut pas considérer que, attestant du fait, génétiquement, si vous voulez, si vous mélangez un Suédois et une Éthiopienne, est-ce que vous n'obtiendrez pas un enfant qui sera visiblement, génétiquement, visiblement plutôt, quelqu'un de métissé? Est-ce que au bout de trois générations, vous n'obtiendrez pas quelqu'un qui sera plus distant du Suédois que de l'Éthiopien? On peut plus ou moins tabler sur cette chose-là. Mais je pense que je me suis perdu dans mon raisonnement. Parce que je vous écoute depuis tout à l'heure et On essaie de se rejoindre. Ce que tu soulèves et qui fait référence à ce qui a été dit précédemment, c'est qu'aujourd'hui, alors c'est déjà, il faut se baser sur le postulat qui est derrière, en amont, comme je disais, une volonté politique de destruction de l'identité, en fait. Alors que ce soit l'identité occidentale, l'identité africaine, peu importe, le concept de nation, de peuple avec une identité affirmée et bien distincte. Et alors, le pourquoi du ciblage de l'Occident en général, moi j'ai envie de dire c'est peut-être effectivement stratégique, parce que peut-être que c'est en Occident actuellement, et d'ailleurs c'est même en Occident qui est né ce concept de nation, tel qu'on l'entend aujourd'hui. Donc peut-être que stratégiquement, il y a besoin de faire un effort supplémentaire en Occident, dans l'Occident chrétien actuellement, pour faire ce travail. Pour la simple et bonne raison que, par ailleurs, dans le monde en général, il n'y a pas tant d'hétérogénéité qu'en Occident. Et je ne sais pas si on peut se mettre d'accord là-dessus, mais d'ailleurs, Louis Bourbon qui copiait les images des différents gouvernements à travers le monde, et on voit bien qu'il y a une homogénéité qui est bien plus présente ailleurs qu'en France, en Occident. Et là, on peut se mettre d'accord. C'est pas, comme disait, comme montrait Bourbon, alors je sais plus quel pays il a mentionné, mais au Sénégal, en Algérie, etc., tu verras une diversité. Japon, j'ai aussi mis le Japon, c'est quelque chose. Voilà, tu verras pas de diversité. Je te coupe juste deux secondes, je vais juste expliquer. J'ai regardé les statistiques. Donc, Tokyo, c'est 98% de japonais, Shanghai, c'est 95%, Jamestown, en Jamaïque, c'est 100% de Jamaïcains, et Londres, c'est moins de 30% d'anglais souche. Ouais. Qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas une couille dans le bâton, quand même. Donc, pour reprendre, c'est ça. Et donc, il y a une homogénéité qui, donc, qui va être beaucoup plus dure à attaquer. C'est peut-être pour ça que, stratégiquement, on va un petit peu tirer sur l'ambulance, en fait. C'est-à-dire que quand on est dans en tant que, je dirais, élite, qui a du pouvoir politique, culturel, etc., il va peut-être être plus facile stratégiquement d'attaquer des nations qui sont déjà bien avancées dans le stade de multiculturalisme, etc. Et c'est peut-être en ce sens-là que ça en fait une cible privilégiée aujourd'hui. Mais là où je suis d'accord avec ce que dit Thomas, je ne sais pas si c'est exactement ce que tu dis, mais je suis d'accord pour dire que ça ne se limite pas, cette volonté-là, elle ne se limite pas à l'Occident. C'est juste qu'aujourd'hui, elle apparaît si forte en Occident, parce que stratégiquement, je pense que c'est plus... dans l'ordre des choses, pour quelqu'un qui est malveillant, je fais référence à cette élite, ces ingénieurs sociaux, si on peut les appeler comme ça, c'est plus facile, en fait, de s'attaquer à l'Occident aujourd'hui qu'à des nations beaucoup plus homogènes. Alors, il est vrai que des pays sont touchés par ce phénomène-là, et c'est intéressant, parce que, par exemple, en Afrique, où, du fait de cette mondialisation, il y a des communautés asiatiques, chinoises essentiellement, qui s'installent dans plein de pays, et ça provoque des énormes clashs avec la population. Au Cameroun, au Nigeria et en Algérie aussi, c'est très connu. On appelle ça même les chinoiseries en Algérie, tu vois. Ils s'amusent à poursuivre les Chinois dans la rue. Bien en parler. T'en parleras, mais tu pourras pas nier ce fait, hein, c'est très connu ça. Et donc les Chinois, en fait, on voit bien que, tu vois, c'est justement le fameux racisme, entre guillemets, qu'on impute tout le temps à ces Européens. On voit que les autres peuples sont bien plus racistes et eux, ils réagissent tout de suite dans l'action en plus. Ils font pas des débats à la télévision, est-ce qu'on va se poser la question, les mecs ils sortent avec des machettes dans la rue, quoi, c'est ça le truc. C'est seulement une petite remarque, c'est vrai que la plupart du temps, les gens qui parlent de racisme et tout, ils ont jamais été en Afrique pour voir la différence. Oui, c'est ça, déjà, non mais c'est ça. Petite anecdote, par exemple, aussi, tu vois, mais bon, qui manque pas d'exprimer ça, c'est par exemple suite à un match de foot. Entre le Gabon et le Cameroun, donc là en plus c'est entre noirs, entre guillemets, les Gabonais ayant perdu, ils ont tout simplement foutu les Camerounais à la porte. C'est-à-dire que les gens qui avaient des commerces et tout, ils venaient, tu dégages et tout, tu prends, tu rentres au Cameroun. Ouais, c'est très normal et pas surprenant par rapport à l'Afrique. Moi, je vais pas, on va dire, par rapport à ton exemple, par rapport aux Algériens. Oui, les Algériens sont bien plus racistes en moyenne que les Européens. Ça, c'est flagrant. Ils sont bien plus racistes, mais pas envers les Blancs. Moi, je parle des Algériens d'Algérie. Hein. Ils sont pas racistes envers les Blancs. Ils sont plutôt admiratifs et un peu jaloux. Je parle en moyenne. Jaloux et admiratifs. Ils sont racistes envers les Noirs. Envers les Chinois, c'est admiratif et beaucoup plus raciste. Et surtout jaloux, parce que les Chinois sont bien plus travailleurs et discrets que la moyenne des Algériens, malheureusement, actuellement. Jaloux, oui, violent, jaloux par rapport à leur succès économique. Jaloux de leur succès économique. Plutôt de la jalousie nostalgique concernant l'Algérien. Non, par rapport à vos conditions de vie actuelles, que vous êtes... tout seul. Je dis pas que vous êtes gavé dans la colonisation. Il y a eu du vol, mais c'était principalement pas ça. Vous avez rien apporté. Vous avez apporté la technologie, c'est tout. La civilisation, il y avait déjà une civilisation avant. Civilisation, non, justement, je parlais de confort. La technologie, c'était pour les pieds noirs. Hein. C'était pour les pieds noirs, c'était pas pour les indigènes. Mais bon, j'aimerais beaucoup rebondir sur ce qu'a dit Topa et Ahmed. En fait, le truc, c'est que même que ce soit en Algérie ou en Afrique, D'accord, les Chinois, ils viennent, ils prennent le boulot, ils construisent, etc. Mais les Chinois, ils vivent entre eux en vase clos, et ils ne demandent pas à passer à la télé, ils disent pas, non, mais regardez, il n'y a pas Chinois dans le gouvernement. Parce que moi, je trouve... Il y a la jalousie, il y a la jalousie. Non, pas les Chinois, c'est pas les Chinois qui sont les jaloux. Désolé, je te coupe, juste un truc pour préciser. Les Chinois ne sont pas jaloux. Ils font leur truc, ils font leur commerce, et ils font chier personne. Non, on a compris, c'est les Algériens qui sont jaloux, on a compris. Oui, ça j'ai compris, c'est pas... Non, non, mais ça, c'est... en fait, je mets ça en rapport avec l'immigration qui est en France. Quand je dis que les Chinois en Afrique, ils restent entre eux, ils sont discrets, ils font leur boulot, et limite, quand ils ont fini leur boulot, ils se cassent, ils s'installent pas. Moi, ce que je reproche à Rokhaya Diallo ou à d'autres, ou à Boutelja, c'est de dire, on n'a pas assez de place, pourquoi il n'y a pas de voilés à la télé, pourquoi il n'y a pas de voilés au gouvernement, pourquoi il n'y a pas de voilés députés, pourquoi il n'y a pas assez de journalistes noirs. C'est ça que je reproche. Ils peuvent pas simplement venir en France et c'est tout ce que je demande, moi. Et pourquoi toujours des revendications qui sont supportables au bout d'un moment à la longue, quoi. Grave. Et puis en plus, c'est justification. Voilà. Et puis si t'es pris à la télé, c'est pour ton talent, c'est pas pour ta couleur. Si on met des... Moi je trouve ça même insultant de mettre des Rachida Dati ou des Ramayad pour dire, regardez les gars, on a une noire au gouvernement. En fait, c'est des nègres de salon, des nègres de service. C'est limite une insulte, hein. Mais c'est ça le truc, c'est d'avoir le vrai nègre de service. Moi, on me traite de nègre de service, mais c'est Rokhaya Diallo, la nègre de service, justement. Oui. C'est elle qui rend service à l'idéologie. C'est la vraie définition, c'est vraiment nègre de service. Ouais, elle rend service, oui, c'est clair. Et pas au nègre, justement. Donc... En plus, soi-disant, elle est féministe et tout, et quand on entend certaines blagues de certains chroniqueurs qui sont bien graveleuses et tout... Elle dit rien, mais elle dit jeune, ça fait « Ah, mais je peux rien dire parce qu'elle est bonne, la soupe, quoi. » Ouais, c'est ça. Sauf que le truc, c'est que les gens comme eux, quand ça va clasher, quand les gens en auront marre de toutes ces revendications, quand ils en auront marre d'entendre des traités de sable blanc et qu'ils vont péter un câble, eux, ces gens-là, ils ont de l'argent, ils vont prendre un ticket d'avion, ils vont retourner vite en Afrique. Mais les pauvres noirs qui sont là, qui n'ont rien fait, eux, ils vont prendre cher quand il y aura une guerre civile, tu vois. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Et tous les rebeux qui vont prendre cher à cause des petits délinquants de merde qui ont foutu la merde, qui ont exaspéré, au bout d'un moment, les gens vont dire, c'est tous dans le même sac, vous allez tous prendre, on s'en fout. C'est pour ça, tu vois, que... Ça, c'est profondément insupportable. Et tu vois ce que tu dis, c'est pour ça que ces gens-là, pour moi, quand parce que moi, des fois, on m'a fait l'accusation, oui, mais tu incites à la guerre civile, mais c'est eux qui incitent à la guerre civile, parce que justement, le communautarisme, lequel qui sont en train d'instiller partout, c'est ça qui va mener justement à ce que tu dis, à un conflit total. C'est pas moi, c'est l'inverse. Non, mais c'est clair, en plus, pour moi, c'est ni plus ni moins, les Rokhaya Diallo, l'autre, là, celle qui est passée chez Dujadas, là, qui est franco-ivoirienne, là, qui est. En plus, c'est une fonctionnaire. Ah, Maboula Soumaoro, elle est à l'université de Tours. Qui mange bien la gamelle de l'État. Elle est prof à l'université. Et qui vient à France. Bah, ces gens-là, pour moi, c'est les racailles d'en haut, qui, comme a dit Louis, qui vont se barrer si un jour il y a la guerre. Et il y a les racailles d'en bas. Voilà, les gens qui sont comme toi et moi, les prolétaires noirs, blancs, enfin noirs et arabes, bah eux ils vont prendre cher alors qu'ils n'ont rien fait pour la plupart. Quoi. Ils n'ont rien fait et. Oh putain, t'as bloqué. Vas-y, on t'entend. On m'entend ? Ah, pardon. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas fait leur autocritique. Non, mais oui, je suis d'accord. Ils n'ont pas fait l'autocritique, ils n'ont pas passé le karcher eux-mêmes. Non, donc, je suis d'accord. Et c'est bien fait pour leur bien. Mais pour moi, je suis très sévère avec les franco-maghrébins et les franco-noirs. Enfin, parce que je suis maghrébin. Je suis très sévère avec les franco-maghrébins qui sont dans un cercle de conformisme. C'est pas pour... Ils dénoncent pas le mec, c'est parce que c'est un arabe, c'est un maghrébin. Il y a encore beaucoup trop de tribalisme dans ma communauté. Et pourtant, moi, je suis âgé, je parle pas... Mais je le remarque par rapport aux cousins qui sont en France. Non, mais t'as raison. Ahmed, ça va même dans les deux sens, parce que moi, je veux dire un truc, moi, j'ai grandi en banlieue. D'ailleurs, quand je parle, ça s'entend un peu, il y en a parfois qui me disent, ouais, t'es racaille et tout, à ma manière de m'exprimer, mais j'ai fait 22 ans en banlieue. Ça fait 4 ans, je me suis barré de là-bas, maintenant, je suis à Paris. Mais quand j'étais en banlieue, je connaissais des mecs qui s'appelaient Youssef, Ahmed, Alassane, ce que tu veux. Il suffisait qu'ils aient des bonnes notes, qu'ils aient à l'université et qu'ils veulent se casser, on les appelait des traîtres, des harkis. Genre, tu réussis à l'école, t'es un sale français. Donc, non seulement, c'est même pas on dénonce ceux qui foutent la merde. ceux qui réussissent sont des traîtres de Harki, de Batou, de traîtres. Et ça, c'est la culture de la Chine, c'est vraiment un truc de malade. C'est ce que je disais tout à l'heure. Exactement, bah, tu corrobores totalement. C'est ça le truc de la culture Kaira érigée dans la médiocrité. Ceux qui veulent s'en sortir réussissent sont pointés du doigt. C'est des bouffons, c'est des traîtres, c'est des cons. C'est hallucinant. Mais ça avait commencé déjà de mon époque et ça a pris une importance de fou, quoi. Et en plus avec le gangstérisme aujourd'hui, avec cet esprit, tu vois des petits jeunes qui roulent dans des voitures à 50 000 euros, bah ça a encore plus progressé, quoi, cette idée-là. Je sais pas t'as quel âge, moi j'en ai 26. J'ai fait mon école maternelle, primaire, collège et lycée en banlieue dans l'Essonne, pour tout dire. Et ça, j'ai vu toute ma vie de banlieue, ça. Ah oui, complètement. Cette espèce de truc-là, t'as 15, ah, sale intello, sale enculé, sale français, sale blanc, ah, tu veux pas sortir, mais t'es un bouffon. Ce truc-là, mais je l'ai vu, mais moi je disais rien, mais ça me choquait, quoi. Je me disais, attends, donc maintenant, avoir 15, c'est être mal, c'est un intello, c'est un matou, c'est un bouffon. Moi, ça m'a toujours choqué, ce truc. Et je suis bien content de casser sans droit de merde. Louis, t'as raison, parce que moi, je vais avoir 40 ans bientôt. Donc, on est avec Toba, on est à peu près de la même génération, même si on est un petit peu quelques années d'écart. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais au collège, au lycée, je le voyais déjà qu'il y avait déjà cet esprit un petit peu, parce que moi, je suis blanc, donc je sortais rarement en bas des halls. Ça m'arrivait un petit peu de temps en temps, mais j'étais plus souvent chez moi parce que j'avais des devoirs à faire et j'avais des choses à faire. Je sortais quand j'avais des trucs à faire, mais je tenais pas les murs. Et souvent, ma mère m'a dit, les gens qui étaient en bas, ils me traitaient de chacha, de petit bourgeois, parce que, pourtant je venais dans le site HM, hein, mais parce que je chantais pas. Et j'avais des potes aussi, mon meilleur ami qui était d'origine algérienne, et lui, il traînait jamais dehors, parce que s'il traînait dehors, il se prenait une volée de bois vert par son père, et lui, c'était pareil, quoi. On disait, ah, pourquoi tu traînes pas dehors, nanana. Et donc, c'est vrai, bon, ça commence à cette époque-là, mais maintenant, c'est de pire en pire. Moi, je le vois quand je suis de la banlieue, j'étais de banlieue, j'ai vécu en banlieue pendant 35 ans, c'est HLM. Maintenant, je le vois, c'est de pire en pire, quoi. C'est un truc de malade, quoi. Je vois. Bon, moi, j'habite dans une ville qui est un petit peu en bourgeoisie, même si j'habite dans HLM. Donc, il n'y a pas trop, je ne suis pas dans le 9-3, mais des fois, ça m'arrive d'aller dans mon ancienne ville où j'habitais avant à Bagneux, mais c'est tombé, je me tire une balle, quoi. Laisse tomber, quoi. Et vu que moi je suis profondément français dans toute mon âme, dans toutes mes racines, je me réclame de Saint-Louis, etc. Et nous on a toujours eu un roi en France, ça s'appelle un roi de justice. Un bon roi, c'est ce qui rend justice. Je te rappelle l'image de Saint-Louis sur son chêne. Et quand je me dis que quand ça va péter, des gens, des maghrébins, des noirs, qui ont toujours bossé, qui n'ont jamais rien fait, et dès qu'ils ont eu la thune, ils ont réussi à se casser, et qui vont prendre cher dans la rue pour leur couleur de peau, et ça c'est injuste, et ça me fait mal, tu vois. Mais ça sera à cause des rocailles de Diallo, tous ces salopards qui ont couillé la merde. Et c'est ça, Marwan Mohamed, on a plein de noms, vous avez parlé de l'universitaire. Il y a aussi d'autres personnes. Maboula, Soumaoro, il y en a plein, ouais. Je l'ai entendu dire à la télé, parce qu'il y avait une élection à Sarcelles, et il y a eu une espèce de liste noire pour virer les juifs. Elle a dit, ah mais je suis d'accord, mais ils n'ont pas été élus, mais ils ont droit. Enfin, elle touille la merde jusqu'à ce que ça pue. Et une fois que ça va puer, elle va prendre son billet d'avion, elle va retourner au bled avec plein d'argent européen, tu vois. Et ça, c'est dégueulasse, c'est injuste. Et moi, je suis pour la justice, dans ce point. Alors là, c'est parti. Pourquoi dans ce monde, ça sera dans le pays. On va juste continuer, et donc c'est hyper intéressant. On est toujours sur les rails, on est toujours sur l'antiracisme. On a beaucoup mis en lien avec le communautarisme, comme si c'en était une conséquence. Et moi, j'aimerais évoquer juste un autre phénomène qu'on observe, qu'on est sur le point, en fait, d'observer. C'est que, est-ce que c'est une conséquence de l'antiracisme qu'aujourd'hui, on est à la veille d'observer une communautarisation aussi des blancs, en fait, des Français de souche, peu importe comment on les appelle. Est-ce que, d'une part, c'est une nécessité, et est-ce que, d'autre part, c'est un danger? Donc, c'est la question que je veux vous soumettre. Est-ce que donc, la communautarisation de tout le monde, mais aussi, donc, en l'occurrence, des blancs aujourd'hui, qui se montrent un peu plus, c'est une nécessité, c'est un danger? Qu'est-ce que vous en pensez, André? Pas que les associations antiracistes, en fait, elles ne luttent pas du tout contre les violences, elles ne luttent pas du tout contre le harcèlement scolaire et des choses comme ça. Alors, il n'y a même aucune association qui lutte, parce qu'il y a des associations contre l'antisémitisme, contre ci, contre ça. Finalement, on veut tellement lutter contre tout qu'on lutte contre rien. Et qu'est-ce que font les gens quand ils voient que quand ils sont dans le besoin, personne ne leur vient en aide? bah, ils se communautarisent avec ce qui leur semble le plus, donc la couleur de peau. Excusez-moi, ah, ouais. Mais moi je ne vois pas ce communautarisme. Tu vois, toi t'es pas d'accord pour dire qu'on observe une forme de, ah bah, si de ralliement, une espèce d'esprit de ralliement comme ça qui émerge. Tu vois pas comme ça, Arlan Rouge. Bah, je vois très bien. Attends, on va. À part quelques leaders, mais pas la personne qui est en train de se faire. Moi je vois un communautarisme. Après, il y a un rapprochement des bourgeois et donc. Ah, voilà. Enfin, des blancs dans certains endroits, dans certains quartiers, etc. Mais si c'est pas sous une bannière idéologique, j'ai l'impression, c'est simplement sous une bannière économique, non ? Bah, écoutez, il y a une vidéo sur YouTube, vous pouvez la trouver. La dame est dans le 18e, elle arrive devant les camions, elle dit « Je suis pas raciste, hein, je suis absolument pas raciste, j'ai voté Parti Socialiste depuis 30 ans, mais là je retire mes enfants de l'école, hein, là c'est plus possible, mais pourquoi ? Mais vous voyez pas, mais regardez !» Et là tu vois la caméra, t'as que des femmes noires et arabes voilées, et là c'est plus possible, je m'en vais, hein, je mets mes gosses dans le privé, je suis désolé, hein, je suis pas raciste, elle se met à chialer, elle dit au moins 4 fois « Je suis pas raciste », elle enlève ses gosses. Et ben ça commence comme ça, et ben il y aura des écoles privées, il y aura que des blancs, et on va laisser les noirs dans leur caca dans des écoles de merde à Bobigny. Et puis voilà. Et au bout d'un moment, bah, si l'antiracisme triomphe, on va supprimer les écoles privées pour obliger la mixité raciale. Tant que la bonne femme continue à dire « je suis pas raciste », on peut pas dire que c'est vraiment du communautarisme. Il y a peut-être pas le mot. Elle est tellement traumatisée par le gauchisme mental et l'espèce de petit policier qu'elle a au-dessus de l'épaule qu'elle se sent obligée de dire « je suis pas raciste », mais dans les faits, elle va mettre ses écoles avec ses enfants blancs avec des blancs. C'est comme même les plus antiracistes, ils mettent leurs gosses, non seulement ils habitent dans des petits quartiers protégés, mais ils mettent leurs gosses dans des écoles de blancs. Donc moi je suis désolé, c'est une espèce de communautarisme. Même ces salopards qui promeuvent l'antiracisme, ils font du communautarisme blanc. Leurs amis sont blancs, leurs copains sont blancs, les copains de leurs enfants sont blancs. Et ils vont dans des écoles de blancs, je suis désolé. Il a tout à fait raison, parce que les profs. Les profs de l'époque, même qui étaient encore il y a quelques années, maintenant certains, ils font la promotion de la mixité sociale et raciale dans les écoles et tout, public, mais eux, leurs gosses, ils les mettent pas dans ces écoles-là, soit ils les mettent dans des lycées d'éducation publique, genre Louis le Grand, machin, lycée de la Canale et tout, machin, blablabla, des lycées d'éducation publique, ou carrément dans le privé, parce que, ils savent que pour vraiment. Un enseignement de qualité, c'est pas dans, malheureusement, c'est pas dans les lycées à côté où comme disait Luc Ferry, pourtant je ne porte pas dans mon cœur, mais il avait raison. Quand il a fait son intervention à la télé la dernière fois, quand il y a 98 nationalités représentées, donc dans quel département on peut utiliser ça, mais comment vous voulez qu'ils apprennent correctement le français alors que leurs parents ne maîtrisent même pas la langue? C'est impossible. Et comme a dit Louis, ça va faire des lycées poubelles. Ils vont être vraiment poubelles déjà en 93, c'est le cas. Ah oh bah c'est ça existe depuis longtemps ça. Pas forcément, parce que. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment du communautarisme? Pourquoi c'est. Non, c'est un réflexe. C'est pas faux. Ils vont pas dire que c'est du communautarisme. Mais c'est un réflexe. Peut-être simplement. Enfin, c'est un réflexe identitaire quelque part, mais ils veulent pas se l'avouer. Et quelques de classe ou identitaire, ils disent bon bah moi mes gosses je les mets dans le privé il y a plus de blancs donc ils apprendront mieux que et puis il y a plus de discipline, il y a plus de rigueur, donc voilà, tout simplement. Faut pas le nier, c'est aussi vrai. Après comme il n'y a pas de communauté blanc encore, genre des bades d'extrême droite ou des ZAD un peu comme Notre-Dame-des-Landes mais qui avec des blancs. En soit dit en passant, si on veut parler de ça aussi, la ZAD à Notre-Dame-des-Landes, il n'y a que des blancs. Hein. C'est des gauchistes, mais il n'y a que des blancs. Hein. Tu verras pas, excusez-moi de dire ça, à mon avis, observe les meetings de Mélenchon, c'est que des blancs, des profs, mais c'est que des blancs. Regarde les manifs d'Ortifa, c'est que des blancs. Tout à fait, moi j'ai été gauchiste pendant des années, et c'est ça. Moi j'étais à la LCR au NPA, avant, c'est totalement ça. Ils disent oui, faut accueillir l'autre, l'immigration, machin, antiracisme et tout. Mais dans les manifestations, il y a que des blancs. Dans les réunions, il y avait que des blancs. Il y a peut-être un maghrébin ou un noir, mais voilà, c'est que des blancs. Alors, Obono, pendant un moment, elle a été parce qu'elle était dans, elle était à la LCR ou NBA, elle était la seule noire à la direction, mais après quand elle est partie, elle n'avait plus. Tout ça, c'est, et puis voilà, c'est comme, c'est pour ça qu'elle pense comme ça, parce qu'elle vient de ses parties là, tout simplement. Je suis d'accord avec vous. Justement, Arlan, j'aimerais réagir à ce que tu disais, parce que c'est en lien avec la question que je posais précédemment. C'est pour toi, le communautarisme, c'est forcément du racisme, en fait. Non, c'est pas du tout ce que je disais, mais il peut, pour qu'il y ait le communautarisme, il faut que ce soit une volonté assumée. Par exemple, je prendrais un exemple un peu scabreux. Par exemple, si vous avez sans doute remarqué que dans les transports en commun, les gens se regroupent par couleur, un peu comme dans Puyo Puyo, tu vois. T'as tous les noirs qui s'assient à côté des noirs, les blancs qui s'assient à côté des blancs, et pourtant, je pense pas qu'on puisse dire que c'est du racisme. Et de la même manière, je pense que ce réflexe pour les familles blanches de mettre leurs enfants dans des bonnes écoles avec des blancs, je pense pas qu'on puisse dire que ce soit vraiment du... Est-ce que c'est vraiment du communautarisme? Ou est-ce que c'est juste un réflexe de bon sens et qu'il n'y a pas finalement de portée réellement politique derrière? Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça du communautarisme? D'accord, mais c'est plus ça. Tant que c'est tu, ouais. Que c'est pas assumé. C'est un espèce d'instinct communautaire, mais c'est pas une volonté consciente forcément de se communautariser, d'accord. Quelque part, c'est du communautarisme, même si cela vaut pas, hein, c'est quand même du communautarisme. Non, mais je comprends la nuance quand même, parce que le isme fait que ça en devient une espèce de volonté. Alors qu'en vérité, ça permet peut-être d'un instant peut-être naturel. Juste une petite précision, tout ça, c'est pas linéaire, c'est des degrés. Un certain degré de racisme est naturel. Un certain degré, je dis, je fais pas, on va dire, 10% de racisme. C'est de la xénophobie. Non, on n'a pas dit. Ça sera pas. Le racisme, c'est une idéologie, c'est pas simplement ça. On va dire de nettement. D'ethno-préférence, oui. Mais c'est normal de préférer son ethnie, c'est normal, c'est juste normal. Tu vas pas détester l'autre, tu vas juste préférer ta famille avant, je sais pas moi, ton quartier, avant tout. C'est des cercles qui s'élargissent. C'est normal, moi je trouve ça tout à fait normal. C'est qu'en Occident qu'on voit ça comme du racisme. C'est pas du racisme, c'est de la xénophobie. Non, seulement pour faire pour souligner ce que disait Ahmed, du côté naturel de la chose, c'est que face à l'inconnu, on est toujours prudent, quoi. Et en fait, confond racisme et ce qu'on vient de l'inconnu, quoi. Parce que bon, en étranger, c'est aussi quelque chose d'inconnu, quoi. Donc on est un peu habitué, mais quelque part on ne connaît pas tout, puisque justement il y a ce phénomène de communautarisme lié au fait que justement ceux qui se pointent ici, on leur dit pas en gros bah c'est comme si c'est comme ça, les règles sur cette terre sont comme ça, quoi, voilà. Donc vous allez apprendre un peu, vous allez apprendre à apprendre à l'ouvrir hein, pour dire tout et n'importe quoi, puis, et c'est ce qu'on leur souffle. Et du coup, ce qu'on voit, quoi. Mais c'est normal. Pas du racisme, de faire gaffe à ce qu'on connaît pas, tout simplement. C'est un réflexe, effectivement. Je crois que c'est dans la pyramide de Maslow, je pense que vous êtes familier avec cette image, c'est le besoin d'appartenance qui figure dans cette pyramide de Maslow, et donc c'est quelque chose de très humain et naturel, en fait, de chercher à appartenir à un groupe. Oui, a fortiori quand ça appartient à un groupe, tout à fait, inconnu. Tu vois, c'est quelque chose qui se pointe. Quand tu as un groupe et qu'il y a un individu qui se pointe, qui n'est pas du même type, il le scrute avant de l'accueillir, voir s'il ne peut pas faire trop de conneries dans le groupe ou foutre la merde dedans, quoi, tout simplement. Alors quand c'est tout un tas de mecs, c'est sûr que là, la proportion est différente. Surtout quand on dit aux mecs, dans le groupe, faites comme vous voulez, votre groupe, au milieu de notre groupe. Donc du coup, c'est le merdier, parce que le groupe en place, de toute façon, il va improviser avec les nouvelles règles que font les autres. C'est la connerie humaine. On vit des moments de connerie humaine. C'est tellement simple. Alors est-ce que certains d'entre nous, parce qu'on va arriver bientôt vers la fin du débat cadré, certains d'entre vous auraient encore envie de réagir, de rajouter certaines choses sur ce qui a été dit, comme Rad, ouais, moi, personnellement, j'ai juste envie de dire bonne nuit. Merci, merci Thomas, c'était très prolifique. Merci à toi en tout cas et merci d'avoir participé. C'est un petit bout de temps que j'ai envie de vous dire que, enfin, de pas, personnellement, ton boulot est super utile. Et bah, je trouve que ces petites sessions de discussion, bah, c'est quelque chose de véritablement bénéfique. Donc je vous dis à tous bonne nuit, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, bon, j'ai l'impression qu'on est super d'accord, mais bonne nuit. On n'est pas tous d'accord. Mais pas bonne nuit, merci. Les camarades. Donc voilà, c'est oui, effectivement, ça a été très prolifique jusqu'ici. Est-ce que, encore une fois, on regrette de ne pas avoir pu dire quelque chose, d'avoir ajouté quelque chose? De toute façon, on va faire un dernier tour pour conclure. Non, je voulais juste rajouter un petit truc vite fait. C'était par rapport à ce qu'avait dit Ahmed. Alors oui, la xénophobie, c'était Arlan. Et après, Ahmed, il avait dit oui, il y a une certaine dose de racisme, enfin, par rapport où on aime sa femme et tout ça. Mais le problème, c'est qu'en France, il n'y a plus ce réflexe-là, parce que malheureusement, il n'y a plus que la couleur de peau. Malheureusement, c'était lui qui disait ça tout à l'heure, il n'y a plus que la couleur de peau au blanc qui va leur attacher. Voilà, t'es de la même couleur que moi, donc est-ce que t'es comme moi? Avant, il n'y avait pas ça, avant, il y avait tout. Il y avait la religion, il y avait ton pays. T'es enraciné dans ton pays, dans ton terroir. Il y avait bon, je ne sais pas le passéiste, hein, parce qu'il faut dire avec son temps aussi, mais tout ce qui a été le roi, tout ça, tout ce qui a été coupé, la France, toute cette France-là, ben, on a remplacé cette France-là par d'autres personnes, et malheureusement, la déchristianisation de la France, ça a donné ce que ça a donné, et malheureusement, maintenant, le seul réflexe que les gens les ont, ben, c'est la couleur de peau, et c'est bien malheureux, quoi. Je trouve que c'est très, très, très malheureux. Alors je dis pas que je suis pas négatif, je suis loin d'être pessimiste parce que il y a un petit courant de re-christianisation, même si c'est minoritaire encore, mais on va manger du pain noir, ça va être dur. Il va falloir se sortir de la vie, pas que sur internet. Hein. Dans la vraie pour aller dans ton sens et pour que tu apportes un peu d'espoir, la paroisse à côté de chez moi, la messe en latin à midi, traditionnelle, messe de femmes extraordinaires, on est de plus en plus nombreux. Et il y a de plus en plus de quadras, de gens qui ont 20 ans, des familles qui ramènent leurs gosses de 2-3 ans, et on fait la messe en latin et on est de plus en plus nombreux, et ça c'est génial. T'es dans le 5e ou quoi? T'es à Saint-Laurent, t'es à Saint-Nicolas du Chardonnay? Non, je suis pas à Saint-Nicolas. Bien, bah écoutez, on va arriver à la fin, on va peut-être faire un dernier tour si ça vous dit. Moi je vais aller coucher, bonne nuit. Là. Ok, ciao, oui. Pour ceux qui finissent avec nous, je vous propose juste de dire un dernier mot sur ce que vous avez tiré de cette discussion, un petit peu votre avis final sur cette question d'antiracisme, et puis voilà ce que vous avez un petit peu tiré, et quelle est votre conclusion. Qui est avec nous? On a peut-être Fiche qui est encore là, je ne sais pas. Florette, Flore, FR, Gavroche. Ouais, si tu veux, ouais. Vas-y, Gavroche. Comme je l'avais dit, c'est franchement dommage que ces associations antiracistes ont fait un autre objectif que de lutter contre le racisme, la discrimination, le harcèlement, la violence. Et finalement, on n'a absolument rien d'autre. Et que chaque jour, il y a des gamins qui se font harceler à l'école, il y a des gens qui se font harceler au boulot, et ils ne savent pas à qui demander de l'aide, il n'y a personne pour les aider, ni l'État, ni personne. Alors j'espère que, voilà, un jour, on va pas créer SOS racisme, mais on va juste lutter contre la violence en général, sans distinction de est-ce que c'est une violence raciste, est-ce que c'est une violence homophobe. Non, la violence tout court, c'est quelque chose où il faut lutter. Et toute cette racialisation avec les élèves qui réussissent, qui sont mal vus, c'est quelque chose qui est complètement néfaste à la société. Et c'est dont on n'entend jamais parler aux infos, pourtant c'est un combat primordial. Merci Gavroche. Arlan Robotics, tu as sûrement quelque chose à ajouter? Ouais, moi je suis content qu'on soit quasiment tous, ouais, même tous d'accord, hein, même Gavroche qui est pourtant. Son extrême gauche, je crois que finalement, l'antiracisme, c'est de la merde. Et je voudrais ajouter qu'en plus, c'est particulièrement contre-productif. Et que, pour rappeler la fameuse citation de Baudrillard qui parle SOS Racisme et SOS Baleine, et qui fait le parallèle que finalement SOS Racisme, c'est comme SOS Baleine, c'est qu'ils sauvent le racisme. C'est surtout ça, pour en faire un business. Ouais, c'est bien dit. Victor nous a rejoint il n'y a pas longtemps, mais t'as peut-être un... je me suis contenté de vous écouter là sur la fin, mais bon, une prochaine. Mais, ça marche. Comment peut-être encore là avec nous, je ne sais pas. Sinon, il y a l'autre derrière. Un mot pour conclure. Laura, tu veux parler en premier? Vas-y, pardon. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit ce soir. C'est vrai que de ce côté-là, on est en train de monter les communautés, malheureusement, les unes contre les autres. Et bon, malheureusement, je le vois pas très rose, parce que j'ai vu ce que c'est, malheureusement, que des guerres civiles étant un peu plus jeune. On va bouffer notre pain noir comme je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure, mais on va bouffer notre pain noir, ça c'est sûr. Et je pense que à force de nous retrancher à nous retrancher contre le mur, je pense que ça va nous forcer à sortir et à nous battre un petit peu et un petit peu à combattre un petit peu les antiracistes qui sortent ces idées. Contre la culture européenne, contre la culture française et tout ça. Merci, docteur. Camarade, un dernier mot ? Eh bien, j'ai envie de vous dire que bon, l'ensemble des échanges que nous avons eus, on est tout d'accord, Non, pas du tout, loin de là. J'ai envie de dire que moi, depuis tout à l'heure, je suis une taupe infiltrée, c'est-à-dire que je suis là, je vous écoute, disposez librement des capacités cognitives de vos cerveaux, et je suis bien désolé de vous dire que tout cela est criminel, et le fait de penser librement, c'est quelque chose dont vous aurez à rendre compte dans la salle d'interrogatoire du ministère de l'amour. Voilà. Donc, vous êtes véritablement coincé, bande de crimes pensants, et je suis très content de vous voir bientôt sur la planche de torture. Non, je t'arrête tout de suite, arrête de rigoler, tout ça est... Pardon, je vais faire repentance. Faisons tout ça. On se verra à la 27e chambre. Tu vas vraiment, vraiment moins faire le malin en salsant. Ok. Ouais, merci quand même. En tout cas, Lila, peut-être, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? On a été d'accord, on a été pas d'accord. T'as envie d'ajouter? Moi, j'ai Non, Lila, réfléchis bien avant de salsant. Réfléchis bien. Je trouve ça super intéressant. C'était vraiment génial. Et c'est vrai qu'on a tous réussi à se mettre d'accord au final, et c'était vraiment sympa, et on devrait faire ça vraiment plus souvent. Voilà, enfin franchement, j'ai adoré. C'est cool. Et lui, Bourbon ? Bah écoutez, c'était très intéressant. Je sais pas s'il y a eu consensus, mais moi j'ai appris beaucoup de choses. J'étais content d'échanger avec vous. Et puis, comme j'ai dit, on est en France, on est un pays magnifique, et des gens essaient de nous foutre dans une espèce de guerre civile, et ça va toujours être dans toutes les guerres, c'est les innocents qui vont ramasser, comme d'habitude. Et c'est vraiment malheureux, et il faut tout faire pour éviter ça, et puis voilà quoi. Sinon, c'était très intéressant. Merci, Lars. Et la grande chose, c'est que quand on parle ensemble et qu'on s'écoute, etc., on y arrive quoi, donc il n'y a pas de raison que ça avance, c'est que voilà. Merci beaucoup. Magic, t'es encore avec nous? Je suis pas sûr. Pringles? Non plus. Oeil? Ouais. Disons qu'on a fait un peu le tour et que c'est bien. Enfin, des discussions, on en a eu plein sur le TS auparavant, tout ça. Mais celle-là, c'est bien, c'était très posé. Ce qui change un peu, on a bien. Bien assimiler les règles du débat posé. Et pour en revenir sur l'antiracisme, on parlait des US, on a commencé avec ça pour les origines, etc. Je trouve que c'est une arme de propagande, tout simplement. qui a été mise en place à la fin des années 70, quoi. Enfin, dans les années 70, on a vu l'émergence dans les années 80. Ça fait des gros dégâts jusqu'à maintenant. Et à mon avis, on est à l'apogée et que c'est qu'une chimère comme une autre. La propagande, elle vient des US pour nous détruire, comme dira Asilo. Et que c'est que des chimères qui ont été financées parce que les politiques ont fait leur business dessus, qu'ils ont fait de la maille, et qu'il n'y a eu que des arrivistes parce que c'était que des trous du cul ignorants qui sont dans ce business-là. C'est pour ça qu'on n'a que des cervelés qui suivent. Exemple, Mélenchon, enfin, non, et toute sa troupe. Mais bon, il y a la thune à faire, on fera. Puis en France, ça a été institutionnel, la mafia, à tout niveau. Moi, ayant des enfants métis, j'espère que mon petit gars, il sera un peu comme un TEPA, tu vois. C'est-à-dire que moi, je mange déjà mon pain noir, on m'a traité de raciste, tout ça, chez une ex-femme du Nigeria, qui a bien compris le système en France, où le pouvoir était acquis en chialant, hein, parce que c'est un business et c'est subventionné. Au-delà de ça, je sais que c'est qu'une chimère dans le sens où mon fils a déjà compris que tout ça, c'était que des conneries. Donc, en fait, tout ce qui est important, c'est savoir les règles de la Terre sur laquelle on vit. Et la Terre nous rappelle toujours rapidement les règles. Donc, pas trop de soucis à se faire. Merci, c'est très juste, c'est très sage. Merci pour ton témoignage aussi. On a Pierre. Pierre... n'est pas là. On a Randall, ouais. Peut-être. Non plus. Il reste donc Violette et Amel. Et tout ça. Il n'est pas là non plus. Non, j'ai entendu les conclusions de. de l'an précédent. Non. Il faut dire que vraiment, vous n'êtes pas conscient de. Ah! De ce dans quoi vous vous engagez. Quoi. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous crime pensez? Ah oui, on crime pense. Ah oui, on veut cran, c'est notre loisir favori. Peut-être, oui, non, vous faites les malins. Mais la nature vous a offert la capacité d'utiliser vos cerveaux. Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est mal pensant, à quel point Lang Sok n'accepte pas ce genre de choses. Écoute, il faut un peu de bravoure, même si c'est suicidaire. On est les pionniers, on ouvre la voie. faites les malins, on se fait. Vous allez beaucoup moins rigoler, ça je vous l'assure. Comme disait Solzhenitsyn, après de tombeaux sortiront des lucioles. Hein. Ouais. Solzhenitsyn a été évacué du dictionnaire de Novlangue, absolument. Ça n'existe pas, vous ne pouvez pas avoir cette discussion. En effet, on pense avec les mots, ça c'est très vrai. On pense avec les mots, pas la générosité. Oui, il y a deux erreurs dans votre raisonnement. Vous n'avez pas à penser, il n'y a pas de mots. Ah. Pour finir, juste un truc, pour finir, je pense, d'après les discussions qu'on a eues, je pense que l'individualisme qui a en premier surgi en Occident, leur a donné les outils pour développer leur science très vite à l'époque, parce que t'avais la liberté d'expression en Occident. Il n'existait pas nulle part par rapport au degré de niveau de liberté d'expression. Et ça s'est retourné contre eux quand ils se sont déconnectés de la réalité et pensaient qu'ils n'étaient que qu'idées. Alors qu'ils sont des idées, mais dans un corps de chair. Mais ces importations de Noirs et de Maghrébins, ils sont encore dans le lien tribal, beaucoup plus. Et donc, les Blancs en souffrent. Ils devraient revenir à un certain degré de tribalisme. Voilà tout. Bah, merci pour ta conclusion, Ahmed. Et bah, on va laisser le dernier mot, comme le veut la tradition, à te faire. Bah, écoutez, bah, déjà, bah, moi, je vous remercie vraiment tous d'avoir participé à cette initiative. Je suis hyper satisfait et extrêmement vraiment content que on ait eu cette discussion posée, que chacun ait pu s'exprimer, que tout le monde se soit écouté. Et je vais même vous faire un aveu. Je trouve que la qualité de la discussion était de très haut niveau, ce que je ne pouvais pas savoir en fait ce qu'on allait en tirer. Et là, je suis épaté par le logos, comme on dirait, là, le collectif en tout cas, qui est là. Et moi, pour moi, justement, ça me donne un putain d'espoir pour l'avenir et de me dire que si c'est ça la France qui est en train de renaître de demain, franchement, c'est encourageant, quoi. Et je vous remercie vraiment tous, quoi, vraiment. C'est un scandale, là. C'est jamais les blancs qui ont le dernier mot. ça serait passé au montage. Hein. Voilà. Franchement, il y a plein de trucs que je passer au montage. On aura un petit message quand ce sera tout mixé, mis sur YouTube, etc. On le fera tourner, bien sûr. J'adore réécouter parce que franchement, comme tu as dit, franchement, il y avait du haut niveau. C'était très intéressant et je suis vraiment content d'être venu, d'avoir vu le message parce que j'étais pas au courant. Je suis venu tout à l'heure sur le textuel. J'ai vu le message antiraciste, je me suis dit ça va être intéressant. Et puis on était plus de 35, enfin on n'a pas tous parlé, mais on s'est bien fait échanger la parole. Il n'y a pas eu trop de coupures, il y a eu des choses très intéressantes et j'ai vraiment pas perdu mon temps, quoi. Je suis très content. Merci vraiment à vous. On va refaire l'initiative. De toute façon, là, c'est l'initiative d'Alasso et franchement, c'est super, quoi. Vraiment. J'ai trouvé ça trop calme, les policiers et pas assez bordélique. C'est bizarre. Ah ouais, mais c'est pas mal aussi quand tout le monde s'écoute, parce que quand tout le monde parle en même temps, au bout d'un moment, mais après, oui, on peut mettre... Peut-être finalement, tu sais, il a manqué peut-être quelques contradicteurs un peu plus pour mettre du piment, c'est ça. Oui, mais bon, en même temps, j'ai l'impression qu'on n'était pas tout à fait d'accord tous sur... à quelques variations près, mais... Moi, j'ai l'impression qu'on était entre gens civilisés et c'est quand même super appréciable. C'est ça, c'est ça. Parce que Arlan, il y a d'autres qui scorent pour ça, donc c'était très bien. Je t'ai envoyé un message tout à l'heure, je t'en supplie, mais je vais prendre en compte. Bah écoutez, moi je suis ravi en tout cas, maintenant c'est une bonne tenue, c'était bien classe, donc bravo à vous tous. Et j'espère qu'on trouvera rapidement un autre sujet prochainement pour refaire un débat de cette qualité. Et là, ça manque pas. Bonne nuit à tous, en tout cas. Merci, bonne nuit à tous. Merci beaucoup. Salut à tous.